Cette cité est gangrénée par le crime et les luttes de pouvoir. Alors que la pègre et les hommes politiques véreux ne cessent d'étendre leur pouvoir, certains essayent de faire leur place et d'améliorer leur quotidien dans une ville où la cruauté et la violence règnent en maître. Ce n'est pas chose aisée, et nombreux sont ceux qui finissent trois pieds sous terre ou en prison pour les plus chanceux. Sans oublier, bien sûr, la bête, l'ombre de Gotham, qui fait trembler même les plus puissants. Mythe ou réalité, nul ne sait. Serez-vous assez fou pour y entrer ? Bienvenue à Gotham. Le symbole lumineux dans le ciel, projeté depuis le JCPD, qui continue de clamer haut et fort que c'est une simple méthode de dissuasion et non une preuve de l'existence d'un homme chauve-souris dans les rues de Gotham. Il fut un temps où ce symbole donnait des frissons à Bill, mais plus maintenant. Il a arrêté ce genre de conneries. Alors il se contente de regarder par la fenêtre, et il appelle son fils Bobby pour qu'il s'émerveille. Le petit garçon a encore l'âge où le monde des fées semble bien réel, alors pourquoi pas le Batman ? Alors que quelqu'un vient toquer à la porte de leur petit appartement, Bill regarde par le judas. Il tremble. Un visage qu'il connaît, et qu'il pensait ne plus revoir. Des yeux rougis par on ne sait quel produit. La voix grave de l'autre côté se fait entendre. « T'as le bonjour des Falcons !» Bill se retourne et appuie de tout son poids contre la porte, commençant à pleurer. Il fixe son fils. « Bobby, écoute, papa a fait des vilaines choses avant. De très vilaines choses. Tu pardonnes à papa, hein ? Tu lui pardonnes ?» Soudain, deux tirs, deux noms à la rubrique nécrologie, Bill et Bobby. Vous, en particulier, vous êtes tout simplement dans un petit hangar qui est sur le port de Gotham. Ça fait plusieurs fois que vous êtes déjà venu ici, parce que ça fait plus ou moins une semaine depuis la dernière fois, depuis votre dernier petit boulot d'homme de main de base. Et pendant cette semaine, vous avez rencontré à plusieurs reprises Prost, Patrick et le fameux Chipolatas dans ce même entrepôt. Et vous n'avez pas eu grand chose à faire, hein. Vous avez bien vu la différence entre être un laquais qui fait un peu tout et celui-là qui attend de récupérer l'argent. Si ce n'est que vous avez été un peu mis à contribution, surtout toi, 22, dans le fait de... Comment on appelle ça ? D'éparpiller un peu dans le milieu de Gotham une nouvelle drogue qui a été développée et que Frost vous a fournie directement pour que vous ayez en mettre quelque part. C'est surtout ton boulot à toi, 22. Cette drogue donc qui s'appelle le Candy Cane, qui est une petite pilule rose fuchsia, qui te fait voir la vie en rose, complètement littérale. Et si ce n'est, vous avez, comme je l'ai dit, vous avez déjà discuté. Et donc vous êtes là autour de cette petite table où vous êtes donc tous déjà assis. Avec Frost, Patrick, il y a Chipolatas un peu plus loin, mais lui, il est pas à table, il est en train de jeter des fléchettes sur une petite cible qui est sur un mur. Il a pas l'air de très bien se débrouiller. Et vous êtes en train de jouer au poker ou peu importe quel jeu de cartes pour ceux qui ont souhaité jouer. Vous avez eu le temps pendant les différentes réunions, entre guillemets, hein, même si c'était presque juste des rencontres entre amis, entre guillemets, d'en apprendre un peu plus sur le milieu, sur qui fait quoi dans la fameuse mafia dont fait partie Frost et dont vous faites plus ou moins partie de manière secrète. Vous savez, par exemple, que cette mafia, donc, c'est une, une descendante directe de l'époque où Carmine Falcon avait le contrôle de la ville. C'était il y a quand même un petit moment, c'était même avant que les rumeurs sur le Batman ne commencent à se, enfin, à se faire entendre. Normalement, après la mort de Carmine Falcon, a priori, les différentes mafias qui étaient jusqu'à les différentes mafias, différents gangs qui étaient jusqu'à présent unifiés, sont un peu séparés en plein de petits morceaux, chacun son petit territoire, le petit seigneur de guerre, tout ça. Et jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, ils ont commencé à se réunir à nouveau. Parce qu'ils avaient des attaques qui venaient de par-ci par-là, ils ne savaient pas trop d'où. Puis il y avait une histoire aussi de gang du Redwood qui venaient faire chier certains d'entre eux. Donc ils se sont dit qu'il fallait mieux s'unifier parce que ce genre de conneries annonce souvent qu'il y a un taré qui est sorti de l'asile d'Arkham et qui va commencer à tout faire péter. Vous savez aussi que cette mafia donc, est actuellement dirigée par un triumvirate, donc trois personnes, qui, pour certains, sont aussi considérés comme des tarés. Mais disons qu'eux, ils sont tolérés parce qu'avec eux, on peut se faire du fric. Ils sont pas là pour faire une chasse aux rongeurs volants ou faire sauter des bâtiments. Ces trois personnes, c'est Oswald Cobblepot, le pingouin. Warren White, le grand requin blanc. Ainsi que Sionis, qui est aussi connu sous le nom de Black Mask. Ce sont ces trois grands qui sont tout en haut, mais vraiment tout en haut. Il n'y a que certains gars qui les rencontrent. Vous avez pu vous rendre compte aussi que dans ce milieu, il y a une véritable tradition du secret, plus que dans les films ou dans quelconque autre... Enfin, même dans la vraie vie, ce genre de choses. Vous avez... Enfin, il y a vraiment un truc du secret, vous avez juste entendu leur nom de temps en temps. Vraiment, il y a sûrement seulement 5 ou 6 personnes qui doivent être en contact direct avec eux. C'est vraiment une structure pyramidale. Est-ce que vous avez des questions sur cette mafia ou quelque chose, des petites précisions que vous voudrez savoir ? Non, ça a l'air d'être pour moi. Non, non plus. D'accord, très bien. Donc, vous... Peut-être, oui. Est-ce qu'ils sont connus de la police, par exemple ? Oui, ils sont connus de la police, oui, ouais. Et plus... Vous savez que l'un d'eux, qui a priori est Warren White, est déjà à l'asile, actuellement. Vous savez pas comment il fait, mais a priori, il continue à gérer le truc depuis là-bas. Et les deux autres sont bien connus pour être des escrocs, des criminels, ce genre de choses. Ce qui est sûrement une raison de pourquoi il y a ce culte du secret, pour pas qu'il soit vendu à la première occasion. Oui, voilà. C'est genre, c'est les Pablo Escobar de Gotham, quoi, tout le monde les connaît. Rien d'autre ? Ok, très bien. Donc, vous êtes à cette table, vous discutez de tout et de rien. C'est surtout Patrick qui avec vous discute de tout et de rien, parce que des trois gars au-dessus de vous, c'est clairement le plus amical avec vous. Frost, il a essayé d'être sympa de temps en temps, il a fait 2-3 blagues, mais vous sentez que c'est le gars qui essaye quand même de faire sentir que c'est le patron. Tandis que Chipolata, ça a l'air complètement asocial. Et d'ailleurs, vous savez pas trop s'il est vraiment comme ça ou si c'est juste parce qu'il a été ridiculisé dès sa première apparition avec vous. Et voilà. Donc vous êtes avec eux, vous discutez. Et au bout d'un moment, il semble que ce soit... Qui participe, tiens, à ce petit truc de poker amical ? Moi. Alors, on va faire ça plus. Ouais. On va faire ça de manière plus facile. Qui c'est qui ne participe pas ? Ok, tout le monde participe. Bah c'est sympa, c'est pour détendre l'atmosphère. Ouais, ouais. Et donc, au bout d'un moment, il semble que ce soit toi, Pat, qui commence à prendre un peu le dessus. La partie se termine sur une victoire majoritaire de la personne. Et vous sentez que c'est le moment de parler un peu business à présent. Et Frost, donc, après avoir rangé un peu de son argent, son truc, il se redresse un peu sur son siège. Il vous fait « Bon, les gars, ça fait un petit moment que je vous ai pas demandé de faire grand-chose. Vous doutez bien que ça allait pas durer non plus. Mais comme promis, j'ai pour vous quelque chose quand même d'un peu au-dessus de... d'aller faire les poubelles ou ce genre de conneries. Je vous donne ceci. Vous voyez qu'il sort de sa poche une photo qui semble être la photo d'une jeune femme blonde platine qui a l'air d'être dans un costume qui fait presque une espèce d'hybride entre quelqu'un qui essaie d'être à la mode et quelqu'un qui essaie d'être un peu mafioso. Donc il vous pose cette photo au milieu de la table et il vous fait « Je vous présente Marcia Falcon. Cette demoiselle nous vient directement d'Italie et a priori le reste de sa famille qui est dans la mafia sicilienne là-bas. A voulu se débarrasser d'elle parce que madame voit un peu trop gros. Elle s'est nourrie avec je sais pas quel genre de série, ce genre de conneries, elle se prend pour une espèce de nouvelle baron du crime. Donc ils l'ont virée et ils ont eu la bonne idée de l'envoyer ici à Gotham. Pour essayer de redorer le nom de la famille Falcon depuis la mort de Carmine il y a quelques années. En temps normal, j'aurais dit qu'il faut se débarrasser de cette pute. Clairement, elle va faire de l'ombre à mes projets et la mafia en général. Mais, comme vous le savez, on a une stratégie particulière. Cette demoiselle est arrivée hier soir. Et elle s'est déjà mis en tête qu'à peine arrivée, son nom, rien que le fait d'avoir le nom de Falcon, l'ouvrirait les portes pour devenir la nouvelle patronne. Et j'ai envie qu'elle continue à croire à ça. Il y a déjà sûrement deux ou trois gars qui sont pas contents de la direction actuelle, qui l'ont sûrement rejoint. Et je voudrais que vous la rejoigniez aussi. Claire, j'aimerais que vous fassiez passer pour des supporters de la famille Falcon et que, je sais pas, vous êtes là pour, je sais pas, sauver les traditions ou ce genre de conneries. Bref, vous voulez rouler pour elle. Vous devrez lui obéir. Faites clairement comme si vous étiez vraiment honnête dans votre démarche de l'aider. Vous travaillez pour elle. La seule chose que je veux, c'est que, au fond de votre cœur, vous restiez avec moi, bien sûr. Je me fiche de si l'un d'entre vous commence à se la taper ou s'il se retrouve avec un gosse avec elle. C'est d'abord à moi que vous devez répondre. On est d'accord ? Ah, ça me semble totalement logique. Pas d'embrouille. Très bien. Donc, est-ce que quelqu'un a besoin de quelques précisions avant que je vous parle un peu plus en détail de ce que vous allez faire maintenant ? On a vraiment le droit de lui faire un gosse ? Écoute, je... c'est bizarre que ce soit toi qui me pose la question. Non, mais c'est pas pour moi. Mais je me fiche complètement de ce que vous ferez pour qu'elle vous fasse confiance. Il nous faut un alibi particulier ou... Pas spécialement. Les jeux, ça fait déjà quelques semaines qu'il y a le murmure qu'elle allait venir à Gotham. Tout ce qu'il vous faudra, c'est un petit signe de reconnaissance que je vais vous passer juste après pour qu'elle sache que vous êtes du milieu après. Elle vous fera sûrement passer un entretien, ce genre de conneries, je la connais pas, cette femme. Non, voilà, vous allez être en roue libre complètement. Hein. Il faut pas que vous soyez relié à moi ou à Patrick ou à quiconque. Ouais, pas de problème. Très bien. Donc, vous voyez qu'il sort quelques roses, des roses blanches. Donc la fleur, hein, la rose blanche. Et il vous en passe une chacune. C'est le petit signe de reconnaissance qu'elle a choisi, dans une espèce d'ego un peu bizarre. Donc voilà, normalement, quand vous la croiserez, elle devrait partir dans l'idée que vous êtes des supporters. Donc, vous allez devoir la rencontrer aujourd'hui même, ce soir. Actuellement, elle doit être encore... à son petit concours de Miss Gotham, parce que madame a décidé de faire son entrée de manière théâtrale en se faisant élire Miss Gotham dès qu'elle arrive. D'accord. Donc vous allez la retrouver à l'arrière du bâtiment une fois qu'elle aura terminé à Crime Alley. Ça pose le décor. Très bien. C'est vers où exactement ça? Je vous invite à regarder cette carte. Il vous tend une carte. Qui est... laissez-moi regarder la map. Qui est très exactement... qui est très exactement quelque part dans l'île centrale en tout cas, ça je le sais. Ne vous inquiétez pas, on a Google Maps. Oui, voilà. Vous trouverez, je vous fais confiance. C'est quelque part. Écoutez, bon, c'est dans l'île centrale. D'accord. Ah, les nouvelles technologies, tout ça, vous trouverez. Donc voilà, je veux que... je veux qu'elle vous fasse confiance, je veux que vous bossiez pour elle, peu importe ce qu'elle vous demande. Même si vous pensez que ce qu'elle vous demande poserait problème à mon plan ou à la mafia classique, vous le faites. Vous inquiétez pas, je m'occuperai de récolter les morceaux là derrière. Ok. On est d'accord? Après, pour ce qui est de la suite, on se débrouillera pour vous contacter. Ça marche. Ça marche? Pas de problème pour moi. Ouais. Ah oui, et j'aimerais que, peut-être pas directement, mais que vous vous présentiez à elle comme étant le gang du Redwood. Ok. Voilà, j'apprécierais ça, j'aimerais... Oui. Est-ce qu'on peut récupérer notre nu au cas où? Oui, bien sûr, ils sont à l'arrière là-bas. Très bien, si jamais elle me demande de bosser ou je sais pas quoi... Très bien. Donc voilà. Dans ce cas, moi, j'ai... Oui. Très bien. J'espère que vous êtes satisfait du niveau de vos nouveaux boulots. Hein. Vous êtes plus là pour sortir les poubelles. Je vous demande quelque chose de confiance. Mm-hmm. Bon, c'était une soirée sympa. Je compte sur vous pour mettre quand même Patrick au courant juste de si vous avez réussi ou pas au moins. Mais mis à part ça, évitez d'avoir trop de contact avec nous. Très bien. Donc il y a Frost qui se lève, qui récupère ses affaires et qui se tire de l'antre avec Chipolatas qui le suit. Patrick lui, il reste avec vous sur la table. Et puis, enfin, sur la table. Il reste assis quoi. Et il vous demande. Bon, vous êtes chaud les gars? Ouais. Ouais, carrément. Ça va la confiance? Oui. Ça nous change pas des boulots d'âme. Oui. Très bien. Ah ben je savais que vous étiez des gars de confiance de toute manière. Faudra se refaire une petite bouffe d'ailleurs, hein, la prochaine fois. Oh, pas de soucis, avec plaisir. Très bien. Bon, et n'hésitez pas si vous avez un problème ou un truc comme ça. Monsieur Frost, là, il dit pas trop de contact, mais si vous avez besoin, je serai là, quoi. Ouais, par message. Ok. Nickel. Ouais, vous inquiétez pas. Bon, bisous à vous. Salut. Salut. Donc voilà, il se lève et il reprend sa batte de baseball qui était contre sa chaise. Et il s'en va, toujours en la faisant tourner sur elle-même. Oui, ça vous... Oui, bah, tout le temps avec. Bon, depuis le temps, vous avez pris un peu l'habitude, mais c'est toujours un peu intimidant quand même, le type qui se ramène sa batte de baseball. Mais bon. Donc, tant qu'il met pas du barbelé autour, je suis pas inquiet. Ouais, voilà. Je lui donne pas des... Bon, il est en train de quitter l'entrepôt, puis il se retourne et il fait « Ah, au fait !» Et il sort des clés, il vous les balance, vous fermez l'entrepôt, une fois que vous avez fini. Ça marche. Gardez les clés, on se reverra une fois ou l'autre, vous les rendrez. Donc j'attrape les clés. Très bien. Et donc après, il se tire. C'est un boulot pour moi. Donc voilà, vous vous retrouvez seul entre vous dans ce petit entrepôt sympa. Ok. Donc moi j'en profite pour essayer d'un peu de résumer un peu la situation. Donc en gros, là on est censé aller rencontrer cette demoiselle, faire ami-ami avec elle et en gros... Enfin, se la mettre dans la poche un peu, quoi. Enfin, et se faire passer pour le gang du Red Hood. On est le... Enfin, oui. Oui. Enfin, non, ben, on n'est pas le gang du Red Hood, mais on se fait passer pour des gars du gang. C'est vrai. C'est ça. Donc, en gros, là, on va se faire passer pour ceux qui ont volé l'argent... de quelqu'un de haut placé. En soi. C'est pour les mecs qui ont braqué une banque. Voilà, et on va lui dire à elle. Mais on est absolument pas eux. Oui, voilà. Mais de toute façon, le Red n'a pas fait que braquer une banque. Hein. Oui, oui, non, mais c'est juste. Je le dis juste, c'est tout. Hein, je pose le truc. C'est vrai. Alors, c'est quand la soirée là, la fameuse. C'est maintenant. Le thème. Ah, c'est ce soir. C'est ce soir. Hein. Okay. Ouais. Il est quelle heure d'ailleurs? Sur toutes les chaînes quasiment. Enfin, toutes les chaînes, on entend. Genre, on se comprend. Hein. Oh, c'est moyen la télé, je regarde pas trop la télé, pas trop mon truc. Non, moi j'ai bien suivi la compétition. Ouais, écoute, tu me feras un petit résumé parce que... Des préparations avant. Ça peut pas se clasher en ligne. T'étais pas au courant ça. Y'a Machine qui est couché avec le copain de machin ou l'ex de Bidule. Ah, donc c'est... d'accord. Spécial là, quand même. Non, t'inquiète pas, je connais tout le drama. Et donc, pour répondre à la question de l'heure, Miss Gotham devrait se terminer aux alentours de 1h du mat, en tout cas pour les concurrents, enfin pour les différentes concurrentes, hein, la fête elle va continuer un peu plus longtemps. Donc ça va se terminer vers 1h du mat, et il est actuellement pour vous quelque chose comme 23h30. Ça va, ouais. Et bien on va à la certaine adresse et puis... Allons-y, let's go. Très bien, donc vous vous rendez déjà au point de rendez-vous. Bon, on n'a pas d'autre chose à faire. À part ce qu'il y a une idée. On accroche les fleurs et puis... Hein, genre, on vérifie qu'on a ce qu'il faut en équipement et après on y va. D'accord, très bien. J'ai tout ce qu'il me faut. Ok. Ah, et je précise que Frost vous avait demandé ce soir de venir avec au moins un truc pour se défendre, un truc comme ça au cas où. Oui, je sais que vous avez fourni des pistolets il y a quelques temps, comme ça. Oui, oui, donc vous avez tous un peu de matos sur vous, quoi. Oui. Très bien. Donc vous prenez l'équipement du Red Hood sans vous le mettre, parce que ce serait un peu con de se balader comme ça. Oh, moi j'aime bien, ça fait un style. Et vous, oui. Donc vous partez en direction du lieu du concours. Vous prenez les véhicules de qui a amené son véhicule, l'habituel quoi, on va pas s'embêter avec les détails. Et vous arrivez sur les lieux, à l'arrière, comme on vous l'a dit, dans Crime Alley, qui est un coin plutôt connu, hein. Tout le monde a déjà entendu parler pour les différents trucs qui arrivent après toutes les 3 semaines, et plus particulièrement pour être l'endroit où le couple Wayne a été abattu, par exemple. Oh. Oui, d'ailleurs, à peine arrivé sur les lieux, ça vous saute au visage, parce qu'il y a toujours leur silhouette dessinée sur le sol avec de la craie. Vous savez pas quel genre de taré obsessif et le redessine à chaque fois qu'il pleut ou un truc comme ça. Mais ça s'y trouve toujours. Il y a toujours leur petit dessin de leur corps sur le sol. Avec un petit bouquet de fleurs. Mais bref. Donc vous attendez derrière le bâtiment. Il y a une porte qui amène sûrement au truc de l'arrière, mais il y a un garde devant. Enfin un garde, un vigile quoi. Ce qui est tout à fait normal parce que c'est quand même un événement à l'échelle de toute la ville quoi. Donc vous attendez là, le vigile vous regarde d'un air un peu dur quoi, et il essaye de voir si vous êtes là pour poser problème ou tout ça, mais il vous adresse pas la parole. Oui, il fait son taf quoi. Ouais, bien sûr. Donc vous attendez ici? Ouais. On a autre chose à faire. Alors, on va rentrer. Non, on va aller au point de rendez-vous, on va pas. Peut-être qu'on va bien si tu veux rentrer parce que c'est la compétition, vas-y. Non, c'est bon, j'attends. Ok. D'accord, très bien. Donc vous attendez un petit moment. J'imagine que vous avez mis vos petites roses blanches en évidence. Bien sûr. Bah évidemment. Sur le costard. C'est des vrais. Ouais, c'est des vrais. Ok. Oh, ce truc dans la pochette et tout là. J'avais dans la pochette du costard. De la veste. C'est ça, voilà. Et donc, vous attendez un petit moment, la nuit est un peu humide, il faut le dire. Il fait un peu froid, c'est septembre, hein, à Gotham. Gotham a un petit climat, un microclimat un peu particulier qui fait qu'il fait très froid dès septembre. Ouais, on dit souvent qu'à octobre, c'est le moment où il neige et ça reste jusqu'à l'année prochaine, quoi. Donc vous attendez, non, c'est possible. Il y a certains d'entre vous essayent de se réchauffer un peu en se frictionnant un peu, ce genre de choses. Mais au bout d'un moment, donc, il y a des gens qui ont l'air de partir à la fois à l'avant, vous voyez qu'il y a plus de monde qui commence à bouger depuis votre petite ruelle, là où vous voyez tout ça. À l'arrière, il y a quelques personnes, quelques vigiles, quelques mecs qui sont sûrement de l'équipe technique, ce genre de trucs, qui se barrent. Ou qui vont prendre une pause, ce genre de conneries. Et il y a donc l'intéressé, Marcia Falcon, donc cette blonde platine, qui sort, a priori, pas très heureuse. Oh, la bonne. elle sort donc à l'arrière en fumant une clope, et puis elle vous regarde. Vous savez pas trop si elle a directement capté que vous aviez les roses sur vous ou pas, mais elle continue sa cigarette en détournant le regard au bout d'un moment. Okay. Je m'approche d'elle et je lui demande si elle a du feu. Moi, je maintiens le regard tout le temps. D'accord. Tu vois que donc elle retourne de nouveau le regard vers toi. Putain, t'es la seule personne qui a pas changé son pseudo, du coup ça me revient pas en tête. Jess. Désolé, je vais le faire. Donc elle tourne le regard vers toi, Jess, et elle te tend son briquet. Puis elle regarde la rose que tu as sur toi. Mm-hmm. À mon oreille. Et vous voyez, à ton oreille. Et elle fait. Vous me connaissez ? Bien sûr. Très bien, d'accord. Les autres aussi ? Les autres, vous voyez qu'elles commencent à vous regarder. Je fais un signe de un signe d'approbation de la tête. Ouais, j'avance, mais je regarde pas dans les yeux. D'accord, très bien. Donc, vous voyez qu'elle commence à s'éloigner de la porte là où elle vigile et commence à marcher un peu dans la ruelle, a priori dans l'idée que vous la suiviez. Bon, on la suit, non ? Ça serait... Ouais, très bien. Attends, tu veux répéter ? Enfin, bref, elle vous invite à la suivre un peu pour s'éloigner du vigile. Bien sûr, je la suis dans ce cas-là et puis je commence à fumer. Très bien. Donc, elle vous regarde un peu les uns les autres, mais pas de manière longue. Je vous juge quand même, mais bon. Elle est quand même. Enfin. Vous voyez qu'elle essaye quand même un peu de savoir de quoi vous êtes fait. Ouais, non. Et elle fait. C'est quoi vos noms ? Mais alors, on a pas 22. De quoi ? C'est quoi vos noms, s'il vous plaît ? Je dis 22. C'est Pi. Moi, c'est Oscar. Patrick Descartes, mais vous pouvez m'appeler Pat. D'accord. Et donc, toi, c'est 22. Oui, c'est ça. Pourquoi ? Elisabeth. Tu t'es pris pour un agent secret ? Ah, c'est une longue histoire. Mais non, en fait, pourquoi on a le droit de donner nos vrais noms ? Je dis pas ça au doigt. Oh, mais attends! Je dis Jess, hein, écoute. Ok, alors William, toi tu t'es présenté. William, tu t'es présenté comme Oscar, c'est ça? Tout à fait. D'accord, c'est qu'il y en a d'autres qui sont présentés sous un faux nom ou pas? Que je note tout ça? Non. Moi j'ai Pi, mais c'est Paul Edouard en fait. Moi c'est Paul Edouard, c'est Pi. Mais lui c'est un diminutif, il a souvent utilisé ça. Enfin, c'est pas vraiment fourni. Ouais, okay. les gens m'appellent comme ça aussi. Donc, c'est ça pareil, Jazz. Bon, voilà, juste histoire que je note pour pas que j'oublie. Mais voilà, très bien. Si je connais ton vrai nom, elle t'appelle par. Elle me connaît déjà. Et elle fait vous êtes à Gotham depuis longtemps, j'imagine. Ouais. Ah, j'ai toujours été de Gotham. J'étais né dedans. Vous connaissiez mon oncle ? Bien sûr. Bien sûr. D'accord, je vois. Vous savez, les fleurs, c'est pas pour décorer. Oui, mais histoire d'être sûr, les rumeurs vont vite, il paraît. Vous savez quoi ? J'ai quelque chose à vous dire maintenant. On discutera des choses de trois trucs un peu plus tard. Ouais, c'est quoi la J'ai besoin que vous vous occupiez de ce qu'il y a dans cette loge. La loge 6. Ouais, on va faire quoi ? Ouais. Je veux vous débarrasser de ce qu'il y a là-dedans. Ok. D'accord. Voilà. Très bien. Bon, vous la faites disparaître, ce que vous voulez. On est d'accord ? Ouais. Bon, une fois que vous aurez fini, on se retrouve au Red Circle. Ça marche ? Parfait. Ça marche. Ouais, je suis chaud, on file les masques. Hein. Les masques ? Ça fait un plissi, ça fait genre... Au mieux de faire oh bonjour, on vient du Redwood, enfin, ça fait vraiment. On passe un bon fond et tout. Après, on pourra pas rentrer comme ça. T'as l'effet de on bosse comme ça et puis après on les enlève pour rentrer parce que ça, ouais, mais on peut les remettre en mode le est-ce que après c'est pas la cramée de je sais pas. J'avais oublié qu'il fallait rentrer discrètement je pense. Attention, s'il y a 4 mecs, enfin 5 mecs masqués qui rentrent, je sais pas si ça fait. Oui, le fameux reboot du stade. D'ailleurs, c'est qui a gagné au final? Si qui est dans la loge. Alors, vous pouvez vérifier sur internet si vous le souhaitez. Il faut réfléchir à notre départ, est-ce qu'on part comme ça ou est-ce qu'on. Ou est-ce qu'on prend simplement, on essaie de trouver une entrée Ouais. Ou alors on arrivera avec les masques, comme ça fait genre on a bossé et puis. Au pire c'est juste des gardes, on les prend. Enfin genre. Non mais y'a des gens. Oui c'est ça. Au pire on rentre totalement normalement comme on fait d'habitude. Ça va créer un mouvement de panique en fait, ça sert à rien. Un garde assommé, ils font pas le retrouver avant 1h du matin, ils sont tous bourrés. Ouais, je suis pas sûr. Donc ça il suffit un passant qui nous voit et c'est. Enfin, tu sais, des mecs masqués, ça se voit. Bonjour, on est Slipknot. Ah bah ça va alors. C'est pour le concert. Bon, ah, donc, pour ceux qui ont eu la curiosité de regarder sur internet quel est le résultat de Miss Gotham, voici dans l'ordre de la première à la troisième. Les autres, ils sont moi, j'ai l'appli, hein. De toute façon, moi je reçois la notif. Oh, le 3 UL! Oh. Elle a tué les deux, elle l'a foutu dans la. Ah, mais ouais, non, mais. Non, mais c'est ça, c'est ça. Non, mais je vois trop. Ou soit les deux sont comme ça. Non, mais s'il y a trop un truc comme ça, à mon avis, elle a. Elle. Voilà quoi. Oh oui! Elle vit mal. Non, mais allez, on rentre, mais normalement, ouais. Ouais, ouais, on rentre normalement parce que bon. Vous passez par l'avant ou par l'arrière? Par. Ah. Attends. Ah, il faut que ce serait bien que je sache. Attends, par l'arrière, il faudrait que je mange du stuff, un truc comme ça, je pense. Pas. Est-ce que. Elle a pas tort, Jess. Est-ce que, genre, le mec. Enfin, genre, tu sais, tout à l'heure quand on était devant, est-ce que le mec qui fait l'arrière, ça va être totalement tout seul et du coup, on pourrait lui tomber dessus sans que ça fasse beaucoup de bruit? Ou est-ce que de ce qu'on a pu voir, si lui il tombe, il y en a d'autres qui vont arriver dessus? Alors, il était seul devant la porte qui est fermée. Voilà. Il y en a qui met des patates de forain. Hein. Je vous indique aussi que, bah, de manière évidente, il vous a vu avec Mademoiselle Falcon. Oh, oui. Vu que vous êtes passé devant. Et s'il y en a un qui arrive masqué. C'est pas non, mais est-ce que on pourrait pas, vu qu'il nous a vu avec Mademoiselle Falcon, j'imagine qu'il sait que c'est une personne d'influence, et rentrer, ben, on doit rentrer voir Madame Falcon. Et si ça marche pas, on peut pas de fond. Ben oui, mais qui nous laisse passer. Du coup, comme c'est légitime. Il faut pouvoir lui parler, qu'elle est partie, qu'on dit ouais, on va voir Madame Falcon, il va dire mais vous foutez de ma gueule, elle est juste là-bas. Ah, mais non, on dit qu'on fait partie de son staff. Ah ouais. Mais il faut qu'on rentre à l'intérieur. Quoi? Ouais, mais, ça se tente. Mais au pire, s'il veut pas, on fait la patate de foin. Voilà, ça nous coûte rien d'essayer de toute façon. Ça nous coûte rien d'essayer, donc. Bah oui, je suis d'accord avec. Bon, allez. Ok, bah je vous laisse faire. Eh bien, nous nous approchons du garde et d'un air naturel, on essaie de passer. La question de savoir si on avait le repas ne se posait même pas, étant donné qu'on vient de parler avec lui. Bah, vous voyez comment il s'interpose pas, mais il fait hep, vous êtes qui vous? Des membres du staff de madame Marzia Falcone. Ah, ils sont où vos passes? Oh putain, on les a oubliés à l'intérieur. On les a oubliés dans la loge. Est-ce qu'on peut les récupérer et on vous les ramène dans même pas 5 minutes, top chrono? Vous voyez qu'il essaye de vous juger un peu. Il essaye de vous juger un peu du regard, de voir s'il peut vous faire confiance ou pas. Et je vais vous demander à chacun un jet de crédit. Et oui, ce jet sert. Cette caractéristique, elle sert à quelque chose. Allez, chacun un jet de crédit, vous mettez votre résultat. Avec ma tête de tout même, je devrais avoir un bonus quand même, parce que me dis pas que William, c'est le mec le plus impressionnant de la cité. Alors que moi. Alors, crédit. J'ai fait 100. T'as fait 100 En fait, j'ai vu 0-0 le biscuit. Cool, après, j'ai vu 1-0. Il avait oublié d'enlever le masque. En fait, t'as 22 qui est en train de baver. C'est dans quoi, crédit? Dans social, du coup. Ouais, dans social. Social. Eh non, mais on est. C'est moi, il y a personne 31. Qui a réussi. C'est raté. Il y a personne qui a réussi. Les gars, on voit pas moi des clodos, je sais pas. Ouais, attends. Mais en même temps, attends. En fait, il m'a regardé dans les yeux, fallait pas. Le seul nom de Falcon, il devrait nous ouvrir la porte. Attends, je me la joue un peu Bob Lennon. Moi, je suis de mes crédits, pour moi, c'était le crédit envers des gens criminels. Du coup, ça devrait marcher à l'envers. Non, non, ça marche pas. Bon. J'ai vu tout ce que tu Donc, il vous regarde et il fait ouais, vous avez pas l'air d'être juste à vous. Pardon ? Non. Bah, attendez, regardez-le, l'autre là, il a pas une tête de camé, ce. Ouais, là, bah, lui en plus, déjà, il est beau, mais. C'est le stagiaire. J'ai une question, ils sont deux devant la porte. De quoi, Pat ? Ils sont deux devant la porte. Ah, non, il y en a qu'un seul. Il y en a qu'un seul. Est-ce qu'il y a des gens autour ? Non, c'est une ruelle. D'accord. Bah, je fais. Oh, regardez justement la voile qui arrive pour nous passer nos passes. Pour qu'il y ait ton intention. Quand il prend la tête, je lui mets une énorme claque dans la gueule. Putain, le plus vieux technique. Genre, je lui une claque ou une droite ? Autant lui mettre une droite. Tu vas pas le gifler, ça sert à rien de gifler. Le mec, il est devenu une gifle. Non, c'est plus. J'ai l'impression que ça va pas l'assommer, ça va rien faire. Ça. Ah, ok. Alors, ouais. Je vais te demander un jet d'arts martiaux. Parce que c'était un coup fatal dans l'idée. Enfin, pas fatal, mais on se comprend. C'est la claque. En fait, c'est pas n'importe quelle claque, c'est la claque de la mort. Il lui brise la nuque en même temps qu'il lui met la main. Vraiment, ça fait des patates de foin, donc on laisse faire. Ouais, vous savez quoi? Ouais. 75, ça passe. Mais allez, vas-y. J'ai bien. D'accord. Bon, vous voyez que. Dès qu'il détourne le regard, il y a le mouvement rapide de tout. Le mec, il tombe sur le côté, il se prend la rambarde qu'il a fait sur le côté parce qu'il y avait un petit escalier avec une petite rambarde devant la porte, et bam, et il roule sur les escaliers et il est en bas. Il pique son passe, comme ça, il pourra pas rentrer. J'ouvre la porte et dans un grand geste d'ambulance, je vous fais appeler. Par contre, je signale à tout le monde que le gars a vu nos têtes et que si il se réveille et qu'il y a des gens qui sont morts dedans, ouais, mais quand même, on était louches, quoi. On a été louches, sur ce. Non, oui, tout à fait, mais oui, de toute façon, on va pas traîner. Je préviens juste, quoi. Ouais, oui. Non, mais c'est vrai, enfin, genre, si on ressort de là, forcément, il va nous niquer, donc, enfin, genre... On arrive, on fait le taf et on se casse aussi tout. Pour... Ok, on se dépêche. Ça vous dit, je vais l'attacher dans la ruelle à côté pendant que vous faites le truc. Putain, ouais, t'es pas cul. Allez, enfin, je vais dans une ruelle, je vais le foutre dans une poubelle et puis je vais l'attacher, machin. Pendant ce temps-là, je les laisse faire. Moi, ça m'intéresse pas d'aller voir des cadavres. D'accord, ok, ça marche. Je veux pas qu'il me spoil. Bon, tu restes à l'extérieur donc. Surveiller le type entre guillemets et faire le travail. Très bien. Donc les autres, vous rentrez à l'intérieur, justement. Ça a l'air d'être de plutôt bonne qualité. Vous, pour ceux qui sont à Gotham depuis un petit moment déjà, vous savez que le bâtiment c'est le théâtre cinéma le plus chic de Gotham qui a été utilisé en gros pour le concours, quoi. Donc il y a de la qualité ici, vous n'êtes pas dans le cinéma du quartier. Voilà, vous êtes, il y a les jolis murs avec des jolies tapisseries et ce genre de conneries de riches. Donc vous avancez dans ces couloirs et vous allez rapidement vers, j'imagine. Vous croisez 2-3 personnes et vous êtes à l'intérieur, donc il n'y a aucune raison qu'ils vous qu'ils regardent de manière un peu chelou, hein, ils font passer quoi. Et vous arrivez dans les loges, il y a une dizaine de loges. Vous voyez qu'il y a plusieurs filles qui sont certaines à l'extérieur des loges, d'autres qui sont avec les portes entrouvertes, il y en a certaines qui pleurent, d'autres qui sont sont en pleine folie furieuse. Avec certaines qui ont leurs agents qui essayent de les calmer, ce genre de conneries. Et vous allez, j'imagine, directement jusqu'à la fameuse loge 6, qui est fermée. Enfin, elle n'est pas fermée à clé, hein, mais elle est fermée. La porte est fermée. Essaye le pass du mec, celui qui a pris le pass. C'est moi qui l'ai pris, mais j'imagine que je te l'ai passé, tu vois. Oui. T'es assez intelligent pour me passer le pass avant de partir tout seul. Ouais, c'est ça. Donc vous ouvrez la porte. Vous ouvrez la porte s'ouvre donc. Et à l'intérieur, donc ça, la loge sympa, tout ça, et vous rendez vite compte que l'endroit n'est pas désert. Il y a sur le lit une belle brune avec plutôt musclée, plutôt bien bâtie. A priori, ils en sont aux préliminaires, tu vois ce que je veux dire. Ok, donc il faut tuer les deux et on se devrait raser quoi. Bien entendu, votre entrée n'est pas passée inaperçue, il commence à tourner le regard vers vous quand même. Hein. Tout à fait. Mais bon, tuez ! Allez-y ! Alors, attends. Dedans, il y a deux filles ou c'est deux ? Il y a la brune et un mec qui couche avec elle. Ah, un mec, parce que là j'étais en train de dire, il y a les deux dans le centre. Donc il y a un homme et une femme. Un homme et une femme. Confirmera le MJ, j'ai peut-être mal entendu. D'accord, très bien. 22, tu n'es pas obligé de m'envoyer des. Ouais, mais c'est mieux. deux secondes, il y a plein de bruit dehors, je vais voir si je peux fermer la fenêtre pour que vous avez des échos. Mais je vous entends pas, ne vous inquiétez pas, c'est juste que. Eh bien, en tout cas. Je s'assure que ce soit pas deux femmes avant de commettre le crime. Voilà. Mais oui, c'est pour ça. Ah non, moi je tue pas les homos, moi je veux rien avoir à faire avec ça. Donc. C'est bien non. Un couple hétéro qui fait des. C'est ça. En plein débat. Hétéro. Vacciné. 22, comme tu as été le plus rapide à réagir dans message privé, je vais te demander ton petit jet d'armes de poing. Ok. Moi, j'en profite pendant qu'il fait ça pour refermer la porte et être sûr que personne ne vient rentre au moment où je vais me bloquer la porte. Je fais 2G ou pas ? Ouais, 2, c'est bien 2. Qui parlait d'autre pendant que j'étais en train de. Oui ? Donc c'était Pi. Enfin, Paul Edouard qui décide de bloquer la porte pour être sûr que personne ne rentre pendant que nous faisons ce que nous avons à faire. Donc je ferme la D'accord. porte et je reste derrière la porte pour être sûr que personne ne rentre. D'accord, mais toujours dans la pièce, si j'ai bien compris. T'es derrière la porte oui, dans la pièce. Ah oui, dans la pièce, mais voilà. Oui, ok. Donc 22, toi t'as réussi les deux, c'est ça? Ouais, j'ai réussi de 20 et 28, 4 ans. Très bien. Donc, à peine rentré, vous vous rendez compte de la situation, puis 22 sort son flingue avec silencieux et tout, tout. Il s'en mord. Pourquoi faire ça en message privé? Ah, parce que c'est beaucoup. À la base, je voulais y aller tout seul, mais bon. J'avais pas la carte. Ouais, ouais, donc voilà. Vous êtes rentré et il s'en mord. Du coup, ce que je ferais, de la façon dont il a tué, c'est il y a du sang partout ou c'est assez propre encore sur le au niveau de la scène du crime. Alors, il a quand même du sang en effet, hein, mais c'est pas la boucherie quoi. Ouais, parce que du coup, j'aimerais un peu un peu arranger la scène. Alors bien sûr, mettre ce qu'il faut avec, s'il faut mettre des gants et tout pour pas laisser de traces, d'empreintes et tout. Mais de les remettre dans le lit comme une position, genre ils sont en train de dormir avec la couette dessus. Et genre, ils sont pas morts. Enfin, si quelqu'un venait à ouvrir la porte, ils sont en train de pioncer, quoi. Comme ça, nous, ça nous laisse du temps pour partir et être tranquille sans que ça soit... Ah ouais. Je te rappelle qu'il y a plus de garde à la porte. Oui, mais bon, tu sais jamais. Nous, si nous, on a pu rentrer dans la loge sans que personne nous dise quoi que ce soit, tout le monde peut le faire. Donc. Putain, y a pas de capacité pour ça. Je vais demander un G de. Alors, ça correspond pas trop, donc t'auras un petit bonus, mais de déguisement, entre guillemets. C'est dans physique. Oh putain, déguisement, c'est chaud. Ouais, non, mais je vois bien. Non, c'est vraiment déguisement de carnaval. Oui, mais tu m'as dit que c'est un bonus de combien? Un bonus de top secret. Bonjour, en face à j'ajusterai pour ça. Costume. J'ai fait 52. Et j'ai 20 en déguisement. D'accord, très bien. Donc, tu fais le boulot comme tu peux. T'essayes de cacher le sang en retournant le coussin ou ce genre de conneries. T'essayes d'aller mettre sous la couverture. Tu fais du mieux que tu peux. Je ne donnerai pas plus d'informations que ça sur la qualité. Est-ce que le mieux, ça serait pas de tout jeter? De quoi? Le mieux, ça serait pas de tout jeter. Bah, tu jettes tout. Enfin, les mecs, il n'y aura pas de trace de sang et ça ira bien. On met une nouvelle couette en plus. Mais tu jettes tout où? Mais de toute façon, on se débarrasse des cadavres, il va falloir qu'on les jette aussi, tu sais. Bah non. Mais tu vas sortir avec les cadavres sous le bras dans le machin? Ah bah ouf. Bon, je sais, je peux cacher des cadavres s'il faut, mais ça va prendre du temps et on n'est pas forcément là. Il y a plusieurs vigiles, hein. Faut pas tous le tuer non plus, sinon ça paraît cramé. Alors, je vais vous demander à tous un petit jet d'observation. Non, toi tu es pas là. Dommage. Moi je suis pas là. C'est rigolo que je le vois et pas. Tu vois à travers le mail. Bah d'ailleurs j'ai rejoint Jess moi. Hein. Ah oui, toi t'es parti. Un jet d'observation. Bah je fume une clope avec lui hein, en mode il est beau. Observation, t'as vu? Ouais, ceux qui sont encore dans la pièce nous font une jolie observation s'il vous plaît. Oh, William il a de l'observation. Mais moi je suis à l'air. Ils étaient deux, c'est ça qui est dommage. Ah, ils étaient deux? Ouais, il y avait un. Enfin, ou un truc d'un soir, je sais pas trop. Vous les avez surpris? Un peu, je crois. Ça fait une belle mort. D'accord, très bien. Donc, William et Thompson, et. Fille des capacités de notre cher Descartes. Observation. Ouais, non. Donc William et Thompson, vous vous souvenez, enfin vous vous souvenez, vous savez en arrivant que vous aviez le couloir, le genre de chariot, vous savez, où les gens se déplacent avec le linge dedans. Ouais. Ah, mais il y avait oui, ça. Oui. Il y avait ça, genre quelques portes de là, c'est juste à côté. Bah je vais le chercher, c'est bon. Les gens vont pas faire gaffe à un mec en costard qui prend. Oui, très bien. Je vais le chercher et je le ramène dans la chambre. D'accord, bah tu vas le chercher sans aucun problème et tu le ramènes. Il est assez gros pour mettre les deux corps dedans. Oui, il est assez gros. Il faudra sûrement. Mais tu le tasses un peu, tu mets une couette par dessus et ça passe. Ouais. Bon bah écoute, oui si tu veux, si on peut sortir les corps. Bon, moi je tiens le caddie, je vous laisse mettre les corps. Et j'attire votre attention sur le fait que vous entendez, donc a priori c'est sur scène, vous entendez quelqu'un qui parle au micro, qui dit tout simplement que Miss Gotham va revenir sur scène pour faire son discours. Alors vas-y, on les fout dedans. Allez-y. On est fou dedans, on essaie de cacher le maximum de. Enfin tout ce qui est drap, tout ce qui a été maculé de sang, on les met avec et on recouvre par-dessus. Ok. Essaye de voir s'il n'y a pas genre un truc qui traîne, genre leur vêtement ou quoi. Enfin, genre histoire de que même les draps ensanglotés soient pas au-dessus, tu vois, genre qu'on a une petite couche de safe. Est-ce qu'on les voit passer, donc enfin, on est pas en train de... Ah non, on est dehors, du coup. Ouais, ouais, on est dehors, on est de loin. Vous êtes dehors. Enfin, non, non, moi je l'ai foutu l'eau dans une poubelle, je l'ai attaché, baïonné. Et puis là, je te laisse faire le guet devant pour voir qu'il n'y ait pas de... D'accord. Clairement, par contre, je préviens déjà, je sais pas ce qu'ils font. Du coup, dans les hôtels, t'as toujours, de toute façon, tu sais, tu vas je vais dans la salle de bain, je prends toutes les serviettes propres et utilisées que je mets en fouillis par-dessus. Non, mais tu vois, tout ce qui est linge de salle de bain, oui, et tout, je mets dessus. Ouais. Du coup, pour couvrir. Et si même ceux qui sont encore pliés. D'accord, très bien. Bon. Veste de costard, tout ça enlevé pour faire que ce soit crédible, ouais, que ce soit pas des gars en costard qui poussent un chariot. Quoi. Je pourrais le faire et puis je sors avec ça en mode YOLO, personne ne m'en plaît. Ok, d'accord, ça marche. Donc vous recouvrez tout ça, vous faites en sorte que ça ait l'air le plus naturel possible. Et vous sortez avec ce chariot, vous vous dirigez vers où? Vers l'arrière, et vous sortez avec le chariot, c'est ça? Ouais, vers l'arrière, ouais. Les autres ne me suivent pas, enfin, genre, ici, mais de loin, ce 3 mecs qui poussent un chariot, ça... Il est très lourd. Du coup, en fait, moi, ce que je propose, c'est à la limite, il y en a un qui part devant, moi, je joue au milieu, il y en a un qui me suit derrière, comme ça, si ça tourne mal, il y a toujours un moyen de réagir, parce que devant, derrière. Et ben du coup je vais partir devant et j'ouvre la marche pour si jamais il y avait un souci. Et du coup tu pousses le chariot et Pat termine la marche. Ouais. Je laisse pas mal de distance hein, quand même entre moi et Pire, pour être sûr. D'accord. Donc vous passez les uns après les autres. Et Pat, tu es donc le dernier à sortir. Et il y a un type qui te parle, en te voyant a priori sortir de la salle. Et il te dit vous avez prévenu. Faut venir ? Oui. Très bien, dites-lui de se dépêcher quand même. Hein, oui, parce qu'il y a les gens qui t'attendent. Vous savez. Oui, bah, se dépêche, te pute. Bah oui. D'accord. Laissez-leur un peu d'intimité quand même, enfin, vous savez, voilà. Connasse de Sonia. Il commence à s'éloigner. Je crois que t'es anti-silence. Ce genre de personne respectueuse. C'est ça. Donc, vous continuez d'avancer et vous sortez les uns après les autres à l'arrière. Jess et 22, vous les voyez sortir avec un panier, enfin, avec un truc de linge sale. Ok, très bien, je me dirige vers la voiture et j'ouvre le coffre. Nickel. Jess, t'es la meilleure. Et là, et moi, je fais de la place entre les affaires qui sont déjà et puis je les laisse entreposer. J'appelle. Comment il s'appelle? Ah merde, 22, je dis cadeau. Merci. Mais on aurait pu les laisser, ça serait passé tranquillement, vous savez. Ça aurait créé un scandale. Alors, moi, elle a dit il faut tout débarrasser. Moi, je débarrasse. Ouais. On n'avait pas forcément besoin. À la lettre, on s'en fout, il y a plein de rivières à Gotham, c'est plein de petites îles. On balance ça dans l'eau, on s'en bat les couilles. Non mais non, t'inquiète, donne ça à 22, il s'en occupe pas très bien. Déjà on les a mis dans mon coffre, 22, qu'est-ce que tu proposes qu'on fasse? Moi je dis ouais, dans l'eau c'est très bien. Mais oui. On ramène les cadavres chez moi, je m'en charge comme d'hab. Mais non, on perce l'estomac et puis c'est bon, ça va couler tout seul. Je pense que ce sera plus propre avec 22 que même dans la flotte. Il faut pas que ça les reprend justement, je pense. La flotte, ça passe jamais. Je parle bien sûr de vécu. Hein. Non mais, on s'en fout. Enfin genre, on se débarrasse. Ouais, voilà. Tiens, ça, c'est en attendant, c'est moi qui ai la bagnole. Tout ce que je veux, c'est pas les garder. Hein. Parce que si je me fais contrôler par la police, non. Oui, bah oui, non, mais de toute façon, on va pas garder des cadavres dans un coffre. Hein, par expérience, même si j'en ai pas, ça sent mauvais. Par expérience, d'accord. Bon, on va au Gotham, ça passera tranquille. Eh bien, oui, non, mais en vrai, on jette ça dans l'eau. Ouais, mais l'endroit, c'est. Bah, disons que. Honnêtement, je pense que ce serait quand même plus sûr chez 22. On va chez 22, on va se débrouiller. Sinon, ça fait trop bizarre. C'est pas censé être des pros qui l'ont tué, mais juste une connerie d'histoire. Ouais, bah, de, voilà. On fait confiance. Enfin, clairement, si on retrouve leur corps dans l'eau, enfin, genre, tu sais, genre. Voilà, il y aura un milliard de suspects potentiels. Au pire, on fait vers Chinatown pour continuer la merde. Ça pourra passer, non? Je sais pas ce que t'en pensais. On retourne en temple, on les pend là-bas. Tout le harcèlement. Non, genre on se ramène dans un endroit où il y a personne, on peut faire du. Ouais, non, à la limite, ouais, c'est pas. On va rouler quelques temps dès qu'on trouve un coin, genre c'est sous un pont, un truc à pas abandonner, on va les balancer à la flotte. Ça se trouve, ouais, il va se retrouver dans l'océan Atlantique et puis ouais. Oh, sinon, on dit que c'est la bête. Non mais Chinatown, j'aime bien l'idée pour refoutre une petite dose. Okay, non, mais bien, on va sous un pont à Chinatown. Et j'évite de me faire flasher. Oui, d'accord, très bien. Donc vous partez vers Chinatown, histoire de balancer sûrement pas avant. Loin. Avant qu'il s'occupe de balancer, moi j'en profite un moment, je descends et je me casse. Vous avez pas besoin de tout ce monde pour faire votre truc et je me barre. D'accord, très bien. Je dépose à la maison, je lui fais la bise et puis. Donc vous allez au Dixon Docks, sûrement à Chinatown, un truc du coin quoi, au bord de l'eau. C'est ce que j'avais proposé. Très bien. Exactement. Tiens, on est des pros. Ouais. Du coup, 22, on crève les estomacs pour éviter qu'ils retournent à la surface quand même, non? Au pire, si je le retrouve, ce sera pas grave, ça créera un scandale. Cependant, avant d'arriver à destination, peu de temps avant que vous ayez commencé à partir, donc même avant que Thompson n'ait quitté le véhicule, il y a a priori un flic sur le bas-côté qui vous fait signe de vous arrêter. Je m'arrête. D'accord, donc. Si tu joues l'innocent, normalement il n'y a aucune raison de fouiller ça. D'accord. Ne vous inquiétez pas, je vais faire comme si j'étais bourré comme ça. Mais non, mais tu joues ta faible femme et voilà. Vous avez consommé de la drogue? Oui. Monsieur, je peux pas mentir, je suis bourré. Donc, le flic donc s'approche du véhicule. Vite, il te fait signe de baisser. J'ouvre la fenêtre. Bonsoir. Bonsoir. Belle soirée, non? Belle soirée, en effet. Comment vous allez? Ouais, bien, bien. Vous revenez... Hey, c'était vous, Quoi? C'était vous qui était en patrouille, enfin, près du casino? Près du casino? Ouais. Je connais pas les grandes surfaces aux États-Unis. Je vois. Ouais, c'est possible. Pourquoi? Je sais pas, votre tête m'a dit quelque chose. Je crois que je vous ai déjà vu là-bas. Alors vous êtes passé à la télé, je sais pas. Ah, c'est vrai qu'on me dit souvent que je ressemble à Brad Pitt. On est pas la personne qui est assise à côté de moi à l'entrée, tu vois, il y a un petit air. Non, mais c'est ça. Tu regardes comme ça à 30 degrés. Ouais, vous venez. Oui. Vous venez du concours des Miss? Non, pourquoi? Ah, vous étiez dans le public? Non? On connaît les résultats, c'est tout. Ouais, je vois. Elle est pas mal quand même, la gagnante. La gagnante. Ouais. Ouais, carrément. Ouais. Ouais, bon. Vous avez l'air d'être sympa. À un moment, j'ai cru. Enfin, si parmi vous quand même. Tu vois qu'il il te regarde 22 à toi, qui est assis sur ton siège. Il fait, mais bon, ouais, vous avez l'air sympa quand même. Mais tu vois qu'il penche un peu pour te regarder dans les yeux, 22, il fait mais toi abuse pas trop quand même. Hein, oui, c'est bon, fois. Pas. Mais ouais, ouais, ça se voit sur ton regard, évite quand même. Et moi, j'ai rien bu. c'est bien. Bon, bref. Moi je dis, il y a une moto qui est passée hyper rapidement, on devrait essayer de voir, ça va prendre que c'est ça, là il se relève et il fait hey, oh, il commence à marcher. Dans... Et c'est vrai. Je balance un câble et puis je ferme la fenêtre. Non, je rigole. Hein. Comment ça veut dire tout ce qui se passe? D'accord, donc il est parti et vous pouvez repartir. Très charmant. Je referme la fenêtre et puis je redémarre en mettant un petit peu de musique. Très bien, donc vous repartez et arrivez. C'est un bowling ? Ah non, merde, le corps, désolé. Arrive le moment où Thompson descend du véhicule, comme il l'avait dit, parce que là, il faut pas... Il y a pas vraiment... On doit reprendre contact avec l'autre nana, non ? Elle nous a donné rendez-vous à... Ah oui, c'est vrai, autant pour moi. D'abord, comme ça, ouais. On c'est quoi le ça. C'est quand le rendez-vous ? C'est genre censé être demain ou c'est... Oui. Une belle lecture à la fille, ça passe à temps. On a perdu la musique ? Ouais. Quoi ? Non mais j'ai rien à répondre moi. D'accord. Elle vous a donné des infos, c'est à vous de savoir. Hein. Mais mon bloc-notes, il s'est fermé. Elle vous a dit au Red Circle, ouais. Elle vous avait dit de vous débarrasser ce qu'il y a dans la loge 6. Oui. Et après vous la retrouvez au Red Circle. Oui, bah du coup tu restes là, monsieur Thompson. Elle a pas donné de date, donc oui, j'imagine qu'on va y aller ce soir. Oui, bah en fait, quand quelqu'un dit après tu me retrouves, c'est-à-dire genre après que tu l'as fait, tu vois, genre c'est. J'imagine, on va pas aller la voir avant. Mais on l'a fait encore. Bon, d'abord on se débarrasse des corps, on va acheter des corps. Du coup, tu restes avec nous, Thompson. Tu restes là. Oh là là, t'as envie de lui passer chez PZ Burger, merde. Ah. Donc, vous traversez Chinatown, donc de nuit. Il doit être entre 1h et 2h, quoi, ce genre de choses. Vous voyez que depuis votre dernière venue amicale dans les lieux, il y a un peu plus de gars suspects dans les rues. A priori, ils sont un peu sur leur garde. Ouais, c'est pas ce qu'on prend logique. Ouais. Vous traversez et vous arrivez. Ah tiens, d'ailleurs. Ouais. D'ailleurs, vous traversez et Jess, en conduisant, t'as l'impression qu'il y a 2-3 gars qui regardent le véhicule de manière un peu... Enfin, ouais, merde. Mais ils font rien. Continue vers le Gotham. Ils te regardent juste passer, si tu les vois pas sortir les flingues ou commencer à gueuler. Ils te regardent passer. Et je sais pas, il y a une espèce d'air sur leur regard en mode « Ah, je connais ce dé... » Mais tu passes. Ouais, je vais passer par 3 petites ruelles tranquilles et puis je vais arriver sous le pont. C'est ça. Donc t'arrives à un coin sympa où... Voilà, reculer. J'ai l'air ici pour fumer. Très bien. Donc vous vous débarrassez des corps, vous percez les estomacs, ce genre de conneries. Ouais, ça coule. Vous n'êtes pas obligé de regarder. Hein. Ouais, voilà. Donc vous vous débrouillez pour vous débarrasser des corps. Ouais, mais j'y touche pas. Bien entendu, vous avez vérifié autour s'il y avait des gars. A priori, il n'y en avait pas. Moi, j'essaie de faire un maximum de guerre. Moi qui ai fait comme d'hab. Très bien. Et donc, vous remontez dans le véhicule et vous dirigez en direction du Red Circle. Petit club que vous auriez sûrement visité dans une vie alternative, mais c'est la première fois que vous y allez à présent. C'est exactement okay. Ce que je me dis quand je le vois. Exactement. C'est un petit club, une espèce de discothèque, tu vois, avec des néons un peu partout, mais pas les néons un peu élégants, le néon du genre avec le gros logo, et déjà de l'extérieur, vous entendez le poum, poum, poum, poum. Les bonnes basses, quoi. Et voilà. Okay. Et il est sur la carte, sinon ? Oui, il y est et il est dans l'île des pauvres. Founders Island ? Ouais, c'est ça. Founders Island. Il est plus ou moins au centre. Le Red Circle, sauf que le E du Circle est un 9. Ah, bien le fait. Ou un 6, un des deux. C'est un 9. Très bien. Donc il y a un vigile à l'entrée, mais a priori ça a l'air complètement open bar à l'endroit parce qu'il vous demande même pas... Ou alors c'est parce que vous faites bonne impression, pas sûr. Avec 22, c'est sûrement pas bonne impression. c'est pas... Ce soir, il a l'air d'avoir une tête qui met pas trop en confiance. Je sais pas. Sûrement à cause d'un échec critique ou un truc comme ça. Mais bref. Du coup, vous rentrez et à l'intérieur, c'est comme je dis, c'est le... le truc, c'est la salle noire qui clignote de toutes les couleurs toutes les deux secondes, ce genre de truc. Ouais. C'est le truc qui fait bien mal à la tête si t'es. Ou qui te fait faire une crise si t'es épileptique, ce genre de conneries. Donc vous galérez un peu à avancer là-dedans, il y a plein de jeux en train de sauter sur place, danser. Voilà, vous voyez 2-3 types qui sont en train de glisser des produits, ce genre de conneries. Ouh, bah normal, hein, c'est ce genre oui, de. Oui, voilà, une nuit normale à Gotham. Quoi. Puis vous galérez un peu à trouver votre demoiselle. Et finalement, vous arrivez à la trouver dans un coin qui est a priori toute seule, mais elle a pas l'air de se faire chier, quoi. Elle est juste là en attente. Elle est en train de boire un verre. Elle vous attend. Elle vous a pas remarqué. Elle est concentrée sur la scène où il y a 2-3 gars en petite tenue qui sont en train de danser. Oh. Voilà. Eh bien, on va s'approcher d'elle. Ouais. Avec un verre, est-ce qu'on est sympa? Avec un verre à la main. Moi, c'est toujours d'accord. Une boisson énergétique. D'accord, donc vous vous rapprochez, chacun avec un verre. Il était en train de s'occuper des boissons, t'as demandé la fameuse Joe, qu'elle a été super bonne. Pardon? Thompson a demandé sa petite boisson énergisante, Joker. Et donc vous installez. Une morose. Pas les moroses. C'est vrai, les moroses en termes de bière, c'est le meilleur qu'il y a à Gotham. Et donc, vous installez à table avec Martia qui de toute évidence, a à présent remarqué votre présence. Hein. Mais elle n'engage pas la discussion, a priori, ça vaut de parler. Ouais. Bien. Rapidement ou pas? Rapidement. Avant le discours. Bien, est-ce qu'elle a crié? Pas du tout. Est-ce qu'elle a eu pas peur? Pas eu le temps. Oui, pas eu le temps. Mais mec, faut pas répondre ça. Mais oui, il faut lui faire plaisir, faut lui dire. Faut lui dire qu'elle a souffert, que. Ouais, mais faut aussi dire qu'on a été discours. Ça s'est gueulé partout. Écoute, non. Elle nous a pas demandé à ce que de trucs particuliers, elle nous a juste demandé de faire le taf. Oui, là-dedans. Mais on a fait. Mais non, mais je dis pas que c'est mauvais, c'est juste tu sens ça, ce genre de questions. Voilà. Est-ce qu'elle a souffert? Tu lui dis oui, elle a souffert, elle a supplié qu'on la laisse en vie. Et c'est là qu'elle te dit, mais pourquoi? Bon bref, du coup donc la réponse c'est qu'elle a pas le temps. Et donc elle fait D'accord, très bien. Bon, j'ai d'autres gars qui s'occupent de la seconde de toute manière. Mais du coup bravo, vous avez gagné. Merci. Même si j'ai pas vraiment gagné, ce serait un peu trop. Un peu trop? Ce serait un peu trop suspect si je gagnais soudainement. Plus c'est gros, plus ça passe. Vous inquiétez pas, la nouvelle première qui était l'ancienne seconde, il lui arrivera. Okay. Bref. Donc c'est. Désolé, je me souviens. Jess. Très bien. Les noms. Ah oui, c'est vrai, il y a l'agent secret. Qui. Oscar et. Patrick, c'est ça? Oui. Très bien. Vous voyez que vous essayez tous un peu de parler un peu. Putain, les gens qui gueulent à côté, qui sont. Ouh, et ce genre de conneries donc. Ta gueule. Oui, voilà, c'est l'idée. Et donc après, elle vous dit bon, je suis pas du genre à être trop compliqué, à faire passer des entretiens. À faire passer des. Je suis pas du genre à faire passer des entretiens. Mais je veux juste vous demander pourquoi vous êtes venu à moi. Pour bosser. C'est le moment de parler du Red Hood. Pour bosser, oui. J'entends pas avec la musique, parle plus fort. Oui, enfin. Un moment. Pour bosser, j'imagine, oui, mais. Je suis sûr que vous avez beaucoup plus de boulot avec les autres, non? Niveau contrat, j'en ai plus trop, moi. préfère rester dans l'entreprise familiale. Ah, je vois, oui. Disons que, voilà, comme il l'a dit, nous savons qui dirige la ville. Vous voyez que elle a l'air bien. Elle a l'air... La météo. On en est bien. Ah ouais, là, elle est bien. Elle vous dit bien, bon, est-ce que vous avez, je sais pas, des... Je sais pas comment ça marche, des hauts faits dont à me parler, ce genre de... Oh, vous savez faire. On est pas n'importe qui. Ouais. Et vous êtes ? Bien, là j'imagine qu'on va lui montrer l'un des masques, tu sais, caché sous mon t-shirt ou une connerie comme ça. C'est genre, tu sors le truc sans rien dire, justement. Oui, tu peux pas le dire au... d'accord. On est 4 membres du Red Hood. Tu montes. Et l'autre, c'est le stagiaire. Du Red Hood. Oui. Vous voulez dire les Red Hood de dernièrement. C'est ça. Genre ceux qui ont attaqué la banque, ceux qui ont foutu le bordel chez les Chinois, ce genre de conneries. Intéressant. Et je peux... Enfin, à moins qu'il y ait des amateurs qui se soient fait passer pour nous, mais... bon, vous savez, l'ego, on essaie pas trop de regarder les nouvelles qui circulent sur nous. On n'est pas narcissique à ce point-là. Je vois, et je peux vous poser la question de... Pourquoi une banque de la mafia et pas juste une banque classique ? Ça évite quelques problèmes, normalement, non ? De s'occuper, de s'attaquer juste à des petits... C'était les ordres. Je vois. Est-ce que nous a demandé Frost, pourquoi ? Genre, enculé, tu sais. Non, d'accord. D'accord, ouais, je vois, d'accord. Mais... A priori, vous êtes efficace de ce que j'ai entendu, vu qu'on vous a pas chopé, et vu que vous êtes encore là. Comme vous pouvez le constater. Et oui. Bien, bah c'est intéressant, ça. D'autres choses à me dire ? Après, disons que voilà, on a suivi nos ordres, mais on se tourne disons plus vers vous parce qu'on sait que c'est ici que ça se passe, c'est chez vous que ça se passe. Bah, désormais, oui, c'est sûr. Oui. On sait à qui est la ville. Ouais. Donc, on sait qui a l'ambition, la volonté. On veut faire profiter à votre famille de nos meilleures qualités, de nos plus grands. Voilà. Vous demandez, on exécute, par exemple. Parfait, et vous avez eu un bon exemple déjà. C'est trop. Ben écoute. On a demandé de céder. Des bons plans familiales, des réductions pour Wally. Falcon Park, j'ai toujours rêvé d'y aller. Du coup, vous, c'est quoi vos projets ? Oh bah, moi, mes projets sont simples. Quoi ? Mes projets sont simples. Madame, vous allez bien ? C'est reprendre la place que mon oncle avait. Parfait, ça nous va. Ouais. C'est même légitime. Bah oui, ça me revient de droit, c'est dans le sang. On est d'accord. Ouais. Sachez que le. Bien le trafic, niveau de droit. Sachez que nous sommes avec vous. Ça fait plaisir à savoir. Bon, évidemment, ça sera pas gratuit. Hein. Ouais, mais. 1000 euros la mission. Genre. J'imagine bien, oui, que vous faites pas ça juste pour l'honneur. Mais bon, on a confiance en vous, donc on est prêt à. Faire preuve de tolérance. Faites-moi confiance, ça va vite, on va vite monter dans le milieu. Ouais. Et d'ailleurs, pour commencer, j'ai quelques gars qui s'occupent d'autre chose, et vous, j'aimerais bien qu'on se retrouve demain matin, autour de 8h, un truc comme ça. Mm-hmm. et que vous tuiez Frost. Non. Et qu'on se retrouve à l'hôtel Aventine. Ouais, je connais. Très bien. Comme vous le savez, ça appartenait à mon oncle avant, et j'aimerais bien récupérer l'endroit. Donc on va discuter avec le propriétaire des lieux. Très bien. Pas de soucis. Eh bien, à demain. À demain. Gardez le verre, c'est offert. D'accord, très bien. Donc, bah, elle vous dit au revoir, mais a priori, elle reste sur place pour regarder. Pour regarder ? Pour regarder le spectacle qu'il y a sur scène. Vous savez, les petits garçons. Enfin, les garçons. Les garçons. Les garçons. Les garçons en petite tenue. Les Chippendales. Ouais, voilà. T'inquiète. Les garçons. Les deux 8 ans. Non. Alors. Alors. Il y a sûrement ça quelque part à Gotham, mais c'est pas ici. Ouais, on va éviter. Très bien. Donc, bah, j'imagine que vous partez les uns après les autres, ce genre de truc. Ou alors, il y en a certains qui restent, mais. Enfin, vous. Non, oui, j'ai pas envie de partir, je vais déposer tout le monde. J'ai pas trop envie de regarder les Chip and Dale. On sait jamais. Bah, à la limite, Jess pourrait avoir envie de regarder les Chip and Dale, mais. Ah, mais elle doit nous poser. Ouais, après, on est à côté de chez nous là, on est pas loin. Tu sais, je suis vieille, j'ai déjà donné. Puis à l'époque, c'était mieux avant. Très bien. Vous partez les uns après les autres. Donc, vous avez passé la nuit chez vous ou chez des potes, ce genre de truc. Vu que vous devez la retrouver le lendemain matin, à 7h du matin. Enfin, entre 7 et 8h, mais vous attendra a priori. À l'hôtel Aventine, que pour ceux qui sont à Gotham. Moi, je vais vous faire tous, allez, vas-y, tous un petit jet de culture gothamite. Que ça serve à quelque chose des fois, les jets. Bah, c'est mort. Attends, c'est un 8 ou un 6 ? 9 sur 10. 80, merde. Gothamique. Moi, j'imagine que c'est un échec, hein. J'ai pas la fiche sous les yeux, mais. C'est un échec. Moi, ce sera toujours un échec, je pense. Il y a de bonnes chances. Bon, moi, ça me reste 9 sur 10. Très bien. Eh bien, 22, toi, tu le sais. Tu sais parfaitement que l'hôtel Aventine, donc comme elle l'a dit, Marcia Falcon, appartenait autrefois au Falcon. Donc à Carvin Falcon, hein, le grand patron qui avait les mafias unifiées d'autrefois. Tu sais que c'était vraiment le centre névralgique de l'Empire. Ah oui, ok. Genre c'est l'endroit où il passait son temps, c'est l'endroit où il tous les types. C'est lui qui faisait se déplacer le maire pour qu'il vienne jusqu'ici et lui faire cracher ce qu'il voulait. C'est le truc parfait, et on c'était tellement rempli de planques et tout ça que aujourd'hui encore, il y a souvent des clients qui trouvent des flingues cachées dans leur chambre. Genre des trucs qui n'ont pas été trouvés par toutes les fouilles de police qu'il y a eu depuis le temps et tous les trucs. Je raconte ça aux autres. Oui, voilà, il vous met un peu au courant quand vous vous retrouvez. C'est génial. Hein. T'as déjà vécu ici, toi ? À vous. Bon, en fait, il vient de là, en 22. Alors oui, et l'hôtel Aventine, si vous sur la carte, il est sur l'île centrale, donc Meghany Island, si je me souviens bien du nom de l'île centrale, et c'est dans le sud de Meghany Island. Ouais, hôtel Aventine. Oui. C'est ça, voilà. Pour ceux qui voulaient l'avoir sur la carte. Saint-Miles, voilà. C'est ça. Donc vous vous retrouvez. Devant cet hôtel, les uns après les autres. Rapidement, Martia se manifeste, elle aussi, a priori, elle non plus n'est pas arrivée à l'heure prévue. Enfin, elle arrive après, quoi, elle vous a fait attendre. Elle vous a dit entre 7 et 8 heures, et elle arrive à 8 heures, quoi. Oh, rien. Bon, pas de soucis, on s'est bu un petit café dans le thermostat qui était dans la voiture. Voilà. Elle se fait déposer par une voiture sympa qui donne un peu envie. Putain, même les bruitages. C'est fou. C'est vraiment réaliste. C'est ça. Donc, elle descend de la voiture, elle vous regarde et vous fait « Salut les gars ». Salut. Salut. Salut. Bon, je compte sur vous pour prendre vos airs de gros. Pardon ? Vous avez bugué. Je compte sur vous pour prendre vos airs de gros. Oui. Ça va encore couper. Des airs de gros durs, je crois. Des airs de gros. Tournez la tête. Parce que je veux savoir, c'est est-ce qu'on doit s'habiller en Red Hood ou pas ? Mais moi, à chaque fois, elle dit qu'elle veut juste que je devienne gros. Je compte sur vous pour prendre vos airs de gros durs. Merci. D'accord. Et du coup, est-ce qu'on vient en Red Hood ou pas ? Non. D'accord. C'est vrai que quand tu as dit ça, j'avais commencé à faire mon gros ventre, mais après j'ai compris qu'il fallait pas. Très bien. Donc Marcia donc se met, enfin ouvre la marche avec vous qui la suivez, rentre dans l'hôtel. Et donc vous traversez 2-3 couloirs, vous passez par l'ascenseur. Je pique un parapluie à l'entrée. Si tu veux, pas de problème. Et donc vous remontez tout en haut. Enfin vous montez le plus haut possible avec l'ascenseur a priori, parce que ça met un petit moment à monter. C'est vraiment une des tours de Gotham. Elle est sûrement dans le top 5 des plus grandes tours de Gotham avec la tour Wayne. Okay. Donc vous montez très très haut. D'ailleurs il y a une phase de l'ascenseur qui est transparente, vous pouvez voir l'extérieur, donc vous pouvez voir que vous montez extrêmement haut. Ça fait plaisir à ceux qui ont un peu le vertige. Ouais, c'est ça. On va voir des gens qui vomissent dans l'ascenseur. Et donc vous arrivez en haut, les portes s'ouvrent et a priori ça mène directement à. Ah. Oui. La surprise. Ah. Ah, c'est sûr. Et donc, Marcia rentre avec vous qui la suivez. Ça a l'air d'être le bureau bien sympa. Vous sentez quand même qu'il y a déjà une espèce d'ambiance un peu mafioso. A priori, le type qui a récupéré l'hôtel, il s'est pas dit que la décoration était mauvaise, donc il l'a gardé. Voilà, si ce n'est qu'il a sûrement retiré 2 ou 3 tableaux de la famille. Je crois qu'il est d'Alton. Et donc, vous arrivez donc dans ce bureau. Il y a le type qui est à ce bureau, donc, qui fait « Ah, mademoiselle Falcon, oui, on avait rendez-vous, c'est ça, mais c'était il y a une heure. » Donc, il y a Martial, simplement, ne répond pas, elle s'installe juste sur le fauteuil en face. Il y a 2-3 fauteuils autour si vous souhaitez vous installer aussi, mais vous pouvez rester debout. Moi je reste debout derrière. Ouais. C'est imposant de rester debout, les bras croisés, tu vois. Ouais. Très bien. Moi je m'appuie sur mon parapluie en faisant un parapluie canne. Très bien. Donc vous restez debout sauf 22 qui s'assoit. Si ça se voit, il commence à parler. Il y a le type de l'autre côté qui a l'air d'être. Enfin, l'archétype même du petit gros dégarni avec des lunettes, quoi, vous voyez l'idée. Qui fait « Ah, je vois que vous avez amené des... » Oui. Et donc, ce rendez-vous, je n'ai pas vraiment compris au téléphone ma secrétaire. Enfin, pour quelle raison vous êtes là ? Et donc, Martia, de son côté, elle dit tout simplement « Je viens récupérer ce qu'il y a à moi, tout simplement. » Du fait « Ah !» Vous voulez dire que les femmes... Attendez, non mais... Ah je veux dire, quand vous dites ce que vous... Ce qui est vous... de quoi vous... Et il se fait couper par... « Oui, je viens récupérer l'hôtel. » Ah oui, d'accord. Ça me respecte. Mais c'est... Enfin... C'est... C'est à moi. Oui, moi. Voilà. C'est à moi. Vous savez que j'ai dû payer cher quand même. Il a fallu que je rende ça un peu... Enfin, que ça rapporte de l'argent, quoi. Parce que ça avait mauvaise réputation, l'endroit. Il rapporte de l'argent ? Bah, Tu demandes vraiment ça, Jess? Ouais. Oui. Bah, oui, l'hôtel rapporte de l'argent, c'est le principe d'un hôtel, c'est et pour bah que voilà, ça fasse de l'argent. Quoi? Bah, vous y avez gagné au final. Si vous avez gagné de l'argent, ça a été rentable, donc c'est bon, vous pouvez partir. Alors, pourquoi pas? Enfin, non. Et on vous a pas dit que c'était une location? Non, mais attendez, que ce soit clair, je veux dire, les papiers, ils sont à mon nom. Hein. Plus maintenant. Vous êtes trompé, hein. Je veux dire, désolé, mais depuis que Monsieur Falcon... Bah c'est fini, madame... quoi, hein. Madame Falcon est là, donc c'est le retour. Disons que ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui a été un jour à Falcon, il l'est pour toujours. Il faut rendre à Falcon ce qui appartient à Falcon. J'allais le dire, ouais. Il y a des papiers qui attestent du fait que vous êtes propriétaire des petits meubles. Ah bah bien sûr, j'ai des papiers, j'ai tout ce que vous voulez, mais montrez-nous j'aimerais... ça. J'aimerais que vous vous rendiez compte que... qu'on n'est plus au Moyen-Âge, les dynasties, les monarchies, tout ça, ça marche plus. Ici, c'est le marché libre. L'endroit est à moi, je l'ai racheté. Est-ce que vous pouvez nous montrer les papiers, s'il vous plaît? Je me rapproche en mettant mes petites lunettes. Et je lui demande de montrer les papiers. Juste pour savoir, c'est quoi l'attitude de la nana? On est d'accord, elle a plus ou moins... Enfin, elle réagit comme si elle nous laissait parler en son nom, non? C'est... Oui, bah après, vous avez commencé à parler, mais elle a pas réagi, donc oui, d'accord. Théorie, non, pas qu'elle a l'impression qu'on lui coupe la parole, en mode on fait une négoce à sa place, tu vois. Oui, oui, non, vous laisse parler. Il y a gros bras et gros bras, quoi. Je commence à fumer. Et donc, il se lève de son bureau et vers la naissance de Vénus. Il la retourne. Enfin, il retourne le tableau et derrière, il y a un coffre. Donc, il tourne... Il se met bien devant le coffre. A priori, il fait sa petite combinaison. Il ouvre le coffre et il fait... Alors attendez, laissez-moi voir ça. Pour ceux qui ont une observation au-dessus de 30... Non, attendez. L'observation de base, c'est combien? Observation de base... C'est 25, non pas 30 du coup. Pour ceux qui ont au-dessus de 45. Ouais. C'est bon, ouais. Observation. Vous voyez qu'il y a plein de cash dans ce coffre. Ouais. Plein de documents et vous voyez il y a aussi une jolie statuette qui a l'air d'être matériaux assez intéressant. C'est dans quoi observation? Ah voilà. C'est la physique. Okay, D'accord. Très bien. Donc, il fouille un peu dans ce qui semble être quelques dossiers, et puis il sort des papiers, il fait... Là, regarde, il se retourne vers vous, en tendant le bras vers vous, c'est genre en mode, je vous l'avais bien dit. Il fait, là, vous voyez bien, il y a mon nom, ce qu'il faut, c'est signé. Allez, asseyez-vous, on va regarder ça ensemble. Alors, je prends un stylo et je barre son nom. Non, moi, ce que j'aimerais, c'est récupérer les papiers. Et il est tendre à Marcia Falcone. Non, moi j'ai une idée. Ça va être beaucoup plus rigolo. Bah comme ça, c'est elle qui décide de ce qu'elle veut faire de plus. Ouais, c'est vrai que... Non, mais ouais. Nous, on est censé être des hommes de main, on n'est pas censé nous négocier quelque chose. Donc on ne fait que ouais. Transmettre à Marcia. Excusez-moi. Pour le forcer à lui donner. Donc nous, on... force à te donner et ensuite elle a de faire tout, c'est bon. Mais on n'a pas besoin de la forcer, on prend, on donne. Excusez-moi, petit monsieur. Enfin, monsieur. Son nom, mon bon monsieur. Monsieur Hockner, s'il vous plaît. Monsieur Hockner, oui. Est-ce que je peux fumer à la fenêtre si ça vous dérange pas? Ça me dérange. Ah, mais moi je fume déjà depuis tout à l'heure en fait. Quoi? Moi je fume déjà depuis tout à l'heure en fait. Je fume dans son bureau. Hein. Tu peux activer l'alarme incendie. Non mais oui, donc du coup il pose des papiers sur la table et l'un de vous pour le passer à... Moi je lui donne à Marcia les papiers. Très bien, donc elle prend les papiers et elle jette à peine 2-3 regards dessus. A priori elle a pas vraiment d'intérêt pour tout ce qui est paperasse et bureaucratie. Et elle fait... Bon, j'ai un truc à vous proposer. Vous me revendez ça pour une petite somme et vous aurez le droit. D'avoir une chance de quitter la ville. Vous voyez que le type il est sur son fauteuil, il avait les mains sur son bureau. Puis il reste immobile une petite demi-seconde. Je vais à la fenêtre, je commence à fumer. Excusez-moi, je pense que j'ai pas très bien entendu, je pense. Bah, vous m'avez bien entendu. J'ai dit que vous me revendez l'hôtel pour une petite somme. En plus, c'est pour une petite somme, c'est pas gratuit, donc soyez content. Et vous aurez le droit d'essayer de quitter la ville. Il est parti. Ça se fait, je veux dire. J'ai été à Harvard et tout ça. Moi, je sais comment ça marche, les transactions. C'est pas comme ça, désolé. On n'est pas en... On n'est pas dans votre... Dans une espèce de campagne reculée de je sais pas quel pays. Mais on est à Gotham. Moi, je lui dis, je serai vous, j'accepterai fortement la proposition. Pourquoi je devrais vous prendre au sérieux qui avec vous, mis à part ces quelques clowns là. Il se trouve que j'ai une formation en droit, car moi aussi je fais des grandes écoles, monsieur. Je tends la main pour demander, très poliment d'ailleurs, les papiers à la bosse. Elle te passe les papiers. Merci. Je les pose devant lui et je commence à lire un peu et je lui montre un endroit un peu au hasard sur le truc. Et je lui fais « Regardez là, cette petite annotation de page. Regardez mieux. Rapprochez-vous. » Tu veux qu'il rapproche la tête du papier qui rajoute. Je lui éclate la tête sur le bureau. Est-ce que vous voyez mieux cette petite annotation maintenant? Ah, je vois qu'il a ses lunettes qui se sont brisées en deux, il y a des morceaux de... dans le bureau. Qu'est-ce que vous lisez, du coup? Ah, je crois que vous m'avez cassé le nez! Mais non. Oh, merde! Mais non. Après, je prends la suite et je dis mais... Vous connaissez le nom de Falconet, quand même. Falconet n'a jamais été quelqu'un qui négocie très longtemps. Vous voyez que il est un peu rouge, le type. A priori, il commence à s'énerver sur place. Ça a l'air d'être un petit nerveux. Et il fait oui, mais Falcon, c'était Falcon. C'est pas une espèce de petite pute qui croit qu'elle peut venir ici et prendre mon hôtel. Et il se lève en disant ça, en gesticulant les bras dans tous les coups. Et là, je lui mets une grosse mandale dans la gueule. D'accord, donc... Je débranche le multiprix, ça évitera qu'il appelle la secrétaire ou je sais pas quoi. D'accord, très bien. Donc tu débranches le truc de son côté. Ouais, mais genre tranquillement... Je m'approche tranquillement de lui, moi. Ouais, de toute façon, il vient de se prendre une mandale, donc t'as le temps de faire donc, ça. Donc il vient de se prendre une mandale, il tombe par terre. Mais toi, t'as fumé à la fenêtre. 22, tu t'approches et tu lui montres que t'as un flingue. Je lui mets clairement sur son bas de crâne. Il fait « Non, non, non, attendez, excusez-moi, je voulais pas dire ça, vous savez ce que c'est S'il vous plaît, faites pas de mal. » Non, mais surtout que là, vous avez vraiment une opportunité en or. Elle vous propose un deal, je pense, tout à fait honnête. Je pense que ça ne peut se refuser. On ne peut refuser une telle offre. Même lui, il ne croit pas quand il le dit. On va trouver son hôtel. Vous voyez que Martia, qui est toujours assise sur son fauteuil, elle a l'air pas très contente des derniers noms qu'on lui a donnés. Hein. Des jolis noms d'oiseaux qu'il vient de dire. Et elle dit tout simplement... Vous avez de la chance que je suis censé racheter ça façon légale. Parce que je me serais vite débarrassé de votre corps. Alors ce qu'on va faire, c'est que vous allez tout simplement me donner l'hôtel maintenant. Et vous allez tout de même pouvoir essayer de quitter Gotham, mais j'enverrai 2-3 types essayer. Et le type, il est par terre, enfin, il est à moitié à genoux avec 22 qui a son flingue sur la tempe. Il fait « D'accord, tout ce que vous voulez !» J'écarte le flingue de 22, j'aide le mec à se relever, je l'installe sur sa chaise. Je reste vraiment dans son espace vital, genre je suis genre vraiment derrière lui, penché au-dessus de son épaule, en train de regarder. Soit avec la grosse respiration. Je respire dans la nuit. D'accord, donc il est en train, enfin il prend un stylo, il essaye de remplir les papiers, il tremble un peu, il a toujours une main sur son nez parce qu'il y a du poule. Il y a des moments où toi, Pat, tu respires un peu plus fort qu'à l'habitude et il sursaute un peu, ce genre de conneries. Et il remplit les papiers, il fait « D'accord, très bien, je vais partir maintenant. Je vais vous... bonne journée à vous. » Je vous accompagne. Bonne soirée. Enfin, faites attention sur la route. Il se lève et il se dirige vers son coffre-fort, a priori. Faire, je vais juste prendre mes affaires. Non mais allez, partez maintenant, il vaut mieux pour vous. C'est maintenant qu'il faut y aller. Ouais, qu'il nous fasse pas le coup du pistolet là, attends. C'est je pense que c'est maintenant qu'il faut partir parce mais, que mais plus vous restez, plus vous restez là, plus vous restez là et moins vous avez de chance. Donc allez-y. Allez-y. Une fausse. Elle est dans ma famille depuis. Tu sais, il commence à parler que les familles tout ça. Pendant qu'il est en train de partir tout simplement. Chopez-le, dégagez-le. D'accord. Bon bah il s'en va. C'est bon, il s'en va. Je lui laisse la statue. D'accord. Non, la statue on la garde. D'accord, donc vous le virez dehors. Vous... On est pas au McDo, on lui donne pas un petit jouet. Non mais arrête, c'est un objet familial, on respecte. Il a respecté. Non mais tout ce qui est dans l'hôtel. Il vient d'être jeté dehors dans l'ascenseur, il y a même. Non, je dis, je l'accompagne en bas. Ah, tu le raccompagnes en bas, d'accord. Ouais, moi aussi. Enfin, je suis un pas gentleman. D'accord, donc vous le raccompagnez en bas. Pendant ce temps, Martial s'est levé, elle est en train de se promener dans son nouveau bureau. Avant de partir, je fais félicitations pour votre acquisition. Et j'en profite pour lui demander, pour le coup, est-ce que vous voulez que je rejette un œil dans son machin? Son coffre. Ouais, fais ça. Okay, non, bah, du coup, je vais dans le coffre, je regarde ce qu'il y a dans le coffre. Oui, vous revenez bien assez. Parfait. Je vais regarder ce qu'il y a dans le coffre et je vois. Alors, tu regardes dans le coffre et tu vois qu'il y a quelques dossiers, a priori juste des papiers. Pas de trucs secrets ni rien. Mm-hmm. Il y a des bonnes liasses de billets. Et il y a quoi, la statuette? La statuette, c'est simplement une statuette qui a l'air d'être faite en avec des minéraux, enfin avec différentes, enfin de la matière classique pour les statuettes, si ce n'est qu'il y a plein de petites pierres précieuses incrustées par-ci par-là. Mm-hmm. Et ça forme tout simplement, c'est une statuette d'un crâne humain. D'accord. Et c'est surtout au niveau des yeux, du nez et des dents que c'est. Et une petite pierre précieuse qui sont incrustées dans le. Dans, on va dire, le marbre. Donc ça, la base, elle va le vouloir. Ouais, c'est presque. Ça aurait pu être presque un crâne en cristal. C'est un des crânes de cristal, merde. Oh merde. D'accord. Donc vous remontez. Selon elle, s'est déjà installée de l'autre côté du bureau. Du coup, je la regarde et je fais, on en fait quoi de ça? Et tu fais quoi? T'as bugué. Je la regarde et je lui dis, on en fait quoi de tout ça? Vous pouvez laisser ça là pour l'instant. Non, vous savez quoi? Prenez chacun une liasse. Ça fait bien. Merci. C'est gentil. Bah, j'envoie une liasse à ceux qui sont dans la salle et j'en mets deux de côté pour ceux qui sont parvenus. Je sais pas si vous êtes encore dehors. Ils sont revenus. Ah bah je leur lance aussi une liasse aux deux autres. D'accord. Donc vous avez une liasse chacun, tu vois qu'il en reste, il doit bien... Ah j'ai pas entendu, par contre. Il doit bien rester une dizaine de liasses dans le coffre, par contre, même après que t'aies passé une liasse. Ok. D'accord. Ok, j'ai tout distribué les gars. Bah, elle a dit une à chacun, je vais pas abuser. Ouais, ouais. Très bien, donc elle a fait... Je suis bien content de vous. Je pense que ça passe bien entre nous. Ouais. C'est vrai. Faut dire qu'on est des vrais professionnels. Bon, en tout cas, j'apprécie votre manière de faire. Eh bien, sachez, messieurs et madame, que aujourd'hui, nous avons placé la première pierre d'un grand édifice. Aujourd'hui, l'hôtel, demain, le monde. Et... C'est tout ce qu'on attend de la famille Falcon. Enfin, elle dit ça de manière assez ironique, mais vous comprenez derrière, quoi. Oui, oui, oui, non. Vous comprenez qu'elle n'est pas vraiment dans l'idée de qu'on... Elle fait un plan pour dominer le monde. Cortex de Minus et Cortex. C'est Minus, Minus et Cortex. C'est ça. Et ça commencera par mon entrée dans la haute société de Gotham. Demain soir, je vais organiser une fête et on va inviter tous les grands de la ville. Je compte sur vous pour, vous occuper de la sécurité, ce genre de conneries. Bien sûr. Comptez sur nous. Ça sera très bien. Et essayez d'avoir bonne... Pardon agent secret. Essaye d'avoir bonne allure. Parce que t'as vraiment une mauvaise tête. Ah, c'est pour 22, ça. Ah oui. T'as vraiment j'ai envie de la défense. Il est encore en stage. C'est ça, c'est ça. Ouais. Très bien, donc... après, simplement, elle commence à fouiller un peu dans son bureau. Et elle fouille un peu, et puis elle relève. Vous pouvez commencer à faire ce que vous avez à faire. Très bien. Ok, donc du coup, c'est, ce serait pour quelle heure l'événement à peu près? Comptez quelle heure? Pour la fête? Oui, c'est ça. La petite fête d'inauguration aura sûrement lieu, commencera sûrement vers 21h, un truc comme ça. Et pas de fin, il n'y aura pas de fin. Ça terminera quand les gens seront partis. Est-ce que ce serait possible, du coup, par rapport à la sécurité, d'avoir la liste des invités, si possible, pour qu'on puisse s'organiser et savoir l'ampleur du dispositif? Oui, bah bien sûr, bah, je vais demander ça à ma... Tu vois qu'elle appuie sur le petit bouton, ça marche pas cette connerie. Je rebranche. Et là ça remarche. Et ça fait... Ouais, une nouvelle secrétaire, venez ici, j'ai d'autres trucs à vous demander. Et là, il y a une réponse côté fait, nouvelle secrétaire, quoi. elle raccroche, quoi. Enfin, Marty raccroche. C'est pas la secrétaire qui raccroche. La secrétaire qui raccroche au nez. Oui, enfin, bref. Et donc... Moi, je lui laisse mon petit numéro. On tient au courant. Oui, très bien. Pardon ? D'accord, oui, d'accord. Bah, tu laisses le numéro, pas de problème. Oui, de manière purement professionnelle, hein. Pas... Ouais, en mode, genre, je te l'écris sur le coin de la nappe. On peut, après, à la limite, on peut tous lui donner, puisque si on est censé travailler pour elle, il faut qu'elle... À la limite, je lui donne le mien, et ensuite, on se fera passer les trucs, ça évite de lui écrire 15 000 numéros d'un coup. C'est le patron, quand même, c'est pas... Oui, c'est sûr, ouais. Très bien, d'accord. Donc, vous lui passez son numéro. Et tandis que... Non, arrête. Bon, on a compris. Ouais. Vous échangez vos numéros. Voilà. Pas de téléphone. Vous échangez chacun vos numéros. Pendant que vous faites ça, il y a trois autres gars qui rentrent dans le... Dans le bureau. Oui, qui rentrent dans le bureau. A priori, vous voyez directement que eux aussi ils sont du milieu. Ah oui, non, c'est pas des flics qui arrivent en mode vous avez menacé cet homme ou un truc comme ça, y'a pas ça. Non, y'a. On est à côté. Ah oui, non. Donc, y a ces trois gars qui rentrent, y en a quelques. Deux d'entre eux ont l'air plutôt jeunes, l'autre qui est au centre a l'air d'être le vétéran du milieu, quoi. Un mec avec... Enfin, vous voyez, rien qu'à son regard et à son cul, quoi. Et il s'approche tout simplement et il fait « C'est bon, on s'est occupé de mademoiselle Mednikova. » Et à Marcia tout simplement qui fait « Parfait, parfait. » Et elle vous parle, enfin, elle se tourne un peu vers vous en particulier, elle fait « Vous pouvez prendre une petite pause ou faire ce que vous voulez. » Et donc, vous quittez les lieux sur sa demande. Là, on se barre. Très bien. Je reste un peu sur la fin. Tu quoi ? Je reste un peu sur la fin. On vous a dit qu'on faisait ce qu'on voulait, moi je reste. Très bien, d'accord. T'essayes un peu de montrer que t'es pas un larbin, mais bon. Non, pas trop. Ouais, ouais. Je les ferai ton pointif. Très bien, d'accord. Donc, bah, vous quittez les lieux. Très bien. Donc, bah, vous prenez votre petite pause et puis vous essayez d'organiser les choses comme vous pouvez. Vous avez, mis à part, pas été vraiment à prévoir des trucs et tout ça. Mais bon, vous essayez de vous dérouiller, il y a la secrétaire aussi présente. Vous essayez d'organiser comme il faut, puis vous prenez votre soirée et puis tout se passe bien, quoi. Vous passez votre bonne journée et finalement arrive. Avec donc la fameuse fête d'inauguration de l'hôtel Falcon. Juste avant ça, est-ce que c'est possible de rendre des comptes à Patrick ? Un peu lui dire ce qui s'est passé, ce qu'on a fait, histoire de du coup l'appeler et lui rendre des comptes. Et lui dire justement que. On lui passe un coup de fil depuis la bagnole. Voilà, et qu'on a gagné un peu, enfin, on a quelque peu gagné sa confiance et qu'elle nous a chargé justement de s'occuper de la scie. Donc, vous l'appelez. Vous l'appelez en. On parle en texto, simplement. Hein ? Alors, qu'est-ce que vous faites ? Vous l'appelez. On va l'appeler, ça c'est pas de trace. Ouais. D'accord. Donc, ouais, vous l'appelez en haut-parleur, donc, dans la voiture, pendant que vous quittez la scène, les lieux. Ouais. Et donc ça fait... Allô ? Salut. Salut. Ah, Jess et les autres. Et les autres. Comment tu vas ? Ça va bien. Alors, quoi de neuf ? Oh bah écoute, ça va, je me porte plutôt bien. Ouais. Enfin, ouais, bah, je suis content pour toi. Que du bon. Ouais, on vient un petit peu te faire un bilan de cette journée. En ce moment, journée, on bosse pour les Falconets. Sous couverture, évidemment. Ah, c'est bien, donc ça a marché. Exactement. Ouais. Alors, qui c'est qui se la tape ? Oh, personne. On est sur le coup, on y travaille. Vous êtes décevant. Surtout Jess. On t'enverra des vidéos, t'inquiète. Ah oui, je veux des photos. On t'enverra des photos. Très bien. Ouais, c'est juste pour te dire qu'ils vont organiser un petit truc demain soir. Ils vont inaugurer un truc à l'hôtel parce qu'on a réussi à récupérer un hôtel pour eux. Il y aura toute la haute sphère de Gotham. Alors écoute, si jamais tu veux en profiter pour nous donner des indices par rapport à ça, n'hésite pas. Ça te dit quelque chose, la Valentine ? Ah bah oui, bien sûr que ça me dit quelque chose. Et bah il est revenu chez les Falconets. Ah bah oui, j'imagine que ça colle un peu avec l'idée qu'on... Voilà, donc en gros, elle nous a chargé de cette soirée, elle va inviter tous les grands pontes de la ville. Nous serons chargés de la sécurité pour cette soirée. Peut-être que tu seras convié, on ne sait jamais. Ah, je pense pas que je suis de la haute société. On sait jamais, tu sais. Par le jeu des invites. On verra ça. Bref, eh ben, je suis sûr que France sera très content quand je lui dirai ça. Je suis même sûr que Chipolata s'y va sourire. Ce petit con là. Me tiens, on veut des photos là. Des photos du sourire. J'essaierai de vous envoyer des photos aussi. Allez, ça marche. Allez, parfait, on fait un deal. Allez, bonne soirée. Salut. Et vous avez le bisou de ma fille. Allez, bye bye. Bisous. Et il raccroche. Très bien. Donc, bah, il vous l'a dit. Bisous. Donc, vous passez dans votre nuit. Et vous vous retrouvez le lendemain, vous organisez les dernières choses. Et finalement, arrive la fameuse soirée d'inauguration de l'hôtel Falcon. Vu que ça suffisait pas que ce soit l'ancien hôtel, il fallait qu'elle renomme complètement l'hôtel. On a reçu la liste des invités. Oui, oui, il y a tout ce qu'il faut. Il y a Kane, la famille Wayne. Enfin, la famille Wayne. Il y a une seule personne, mais... Bah, si tu mets le majordome avec, ça fait deux, ça fait le... La famille Wayne au grand complet. Et là, t'as un mec. C'est ça. Le mec, il se fout de sa gueule. Oh merde. Non, mais il y a tous les grands. Il y a aussi le maire et 2-3 hommes de terre, c'est ce genre de truc. Histoire de se faire des contacts. On leur dit bonjour, j'imagine, on leur fait la bise, on les accueille. Ah bah non, on est juste garde du corps. Oui, a priori. Ah oui, mais non, en fait, non. Je suis con. Ah bah, vous portez bien quatre fois. Le verre de champagne à la main. Alors, ça va? Comment ça se passe? Désolé, je sais pas pourquoi je me suis... bref. Pardonnez-moi. Oh, merde. Ah, bon, bah, du coup, la soirée commence. Ça se passe plutôt bien. Il y a. Essaye de parler à peu près avec tout le monde. Essaye de faire des petits contacts, ce genre de choses. Elle a l'air vraiment à l'aise dans ce genre de milieu, plus que dans le côté je contrôle un empire du crime que. Voilà. A priori, oui, de là où elle vient, en Sicile, c'était sûrement celle qui était plus dans les fêtes que dans le business. Ouais, c'est important. Donc vous faites votre boulot. Comment vous vous organisez? Vous savez que la fête, c'est plus ou moins dans le dernier étage, donc dans le grand bureau. Mais il y a aussi l'étage juste en dessous qui a été mis à disposition de ceux qui voulaient faire la fête de manière plus privée. Donc comment vous... Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes là pour la sécurité? Moi, je fais l'ascension de l'étage en dessous. Moi, je veux bien faire un petit peu... suivre la bosse. En fait. D'accord, très bien. Genre, je sais pas comment on dit, mais tu sais, un petit peu. Je saurais pas, mais genre, tu sais, là. Physiquement, je suis pas imposante, mais tu sais, t'as ce côté un peu. Tu vois, le témoin ou une connerie comme ça, quoi. Ouais, je vois l'idée. En fait. Comtesse à la princesse, tu vois. Du coup, moi, j'aurais aimé savoir parmi les invités, ceux qui seraient le plus à même d'être un peu pègre, parce que j'imagine que forcément il y a des gens de la pègre. Alors, on va faire dans l'autre sens, c'est qui n'est pas lié à la pègre a priori. Non, par du coup, ceux qui sont le plus influents à ce moment. Alors, dans la fête. Ok, d'accord. J'avais juste à lire des trucs. Donc, dans la fête, ceux qui ont l'air les plus influents, autant au niveau de la ville qu'au niveau du milieu criminel, ce genre de choses. Au niveau de la ville, vous savez de manière évidente que Bruce Wayne, c'est quasiment sa ville, hein, Gotham. C'est lui le patron, hein, comme on dit. Ouais. Pour dire la plus... Batman. Oui, mais je veux dire, c'est lui qui a la monnaie, quoi. Mmh. Je veux dire, quand la mairie elle veut faire un projet qu'il aime pas, une contre-campagne avec sa monnaie et ça se passe pas. Mmh. Voilà. Donc il y a lui, et du côté qui semble être un peu plus... qu'ils ont l'air un peu plus sympas avec votre milieu, il y a le maire, qui s'appelle Arthur Reeves. Oh. Arthur Reeves. Qui est donc un maire plutôt classique qui n'est pas contre le fait de se laisser un peu corrompre, hein. Ça on le sait, c'est bien connu, mais qui n'est pas non plus le type qui est complètement plongé là-dedans, quoi. Donc après, ouais. Parmi ces invités, il n'y a aucun membre concret de la PEGA, C'est que des gens qui auraient des liens avec, mais c'est pas des gens de la pègre. Ouais, absolument pas. D'ailleurs, Marcia vous l'a dit clairement à sa secrétaire qu'elle voulait pas un de ces espèces de mange-merde à sa fête. Ok, d'accord. Bah, du coup, moi, je vais m'occuper un peu plus de la sécurité, mais au niveau du maire. Et c'est comme ça, si je venais à entendre des choses, je pourrais toujours en faire part à qui de droit. D'accord, très bien. Pour ce qui est de Pat, où est-ce qu'il est Pat? Il mange, il est au buffet. Pour surveiller. Hein. Il me dit, surveille le buffet, moi. Tu peux répéter ça? Moi, je surveille le buffet, voir. Ah ouais, en cas d'empoisonnement, ce genre de choses, ça marche. et toi, je suis très William? Je sais pas trop, j'ai pas forcément gros points stratégiques. Je pense que je vais être un peu, tu sais, le mec qui se trimballe de gauche à droite, qui fait le tour en mode « Oh là là, tout va bien. » Je tends l'oreille. Ouais, c'est ça, tu vois, genre je vais être le petit fantôme, tu vois, qui se déplace. D'accord, donc vous êtes tous dans le bureau, donc, pas à l'étage en dessous. Parce que comme je vous l'ai dit, la fête est sur deux étages. On se souvient. Là, parce qu'il faut se séparer, donc... Bah, il y a donc en bas, moi j'y vais. Hein. Bah, si les gens influents sont en haut, en bas c'est quoi? C'est la plèbe? Non, oui, à l'étage juste en dessous, c'est pour ceux qui veulent avoir une fête un peu plus privée, si tu vois ce que je veux dire. Genre ceux qui s'entendent bien dans la fête et qui veulent descendre pour faire connaissance. Ah oui, non, moi ça m'intéresse pas alors. Tu vois ce qu'il veut dire. Ça m'intéresse pas en bas, moi je reste là-haut. Ah bah s'il y a une fête privée, moi j'y vais. Hein. Moi j'ai dit je suis la nana, bah sauf justement si elle va à une fête privée, dans ce cas-là j'imagine que je vais pas rester à côté à regarder. Non, moi je suis le maire, alors même s'il venait aller en bas, j'irai en bas. Moi, enfin, faut se mettre d'accord, enfin, genre, si tout le monde reste en haut, je vais en bas, s'il y en a qui descendent, je m'en fous, tu vois, c'est... Ben, moi, je suis une personne en particulier. Après, si elle est en haut, je suis en haut, si elle est en bas, je suis en bas. D'accord, donc a priori, vous êtes tous en haut, sauf si quelqu'un se met à bouger. Bah, moi, je vais en bas. Non, je suis en bas. Ah, non. Ah, 22 et William, vous êtes en bas. Ok. Moi, je suis en fait à l'entrée de l'ascenseur. Ouais, d'accord, ça marche. Ah non, mais là, t'es tout en bas alors. Tout en bas si t'as l'entrée de l'ascenseur. Ah non, mais au niveau de l'étage juste. Ah, d'accord, ok. Moi, sur le site, bon. Je suis la boss. D'accord, je vois comment ça se passe. Donc, Jess, de ton côté, donc. Oui, les discussions un peu. Enfin, lambda pour essayer de se faire des pauses parmi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Genre ça parle de à quel point vous avez été rapide pour vous mettre en scène à Gotham et tout ça. Ouais, ok, ouais. Il y en a deux ou trois qui glissent un petit on voit bien que vous tenez de votre rang, tout ça. Vous êtes de la même trempe. Mais bon, ça ils le disent un peu moins fort. Ouais, j'aime pas trop ça. Et donc, tout le monde est un peu à sa place, ça discute par-ci par-là. Ouais. Il y a un moment aussi, tout simplement, où. Je vais jeter des dés avant. Ok, d'accord. Donc, pendant ce temps, William est. Qui est à l'étage. Privé. Ouais. A priori, il n'y a pas grand monde pour commencer, parce qu'ils vont pas commencer direct à se mettre dans la chambre. Oui, ça peut sembler logique. Donc pour l'instant, vous sentez un peu seul. Bon. C'est pas grave, j'en profite pour faire connaissance avec 22. C'est ça, vous parlez de trucs. Je sais pas trop de quoi 22 pourrait parler. Il fait beau. J'adore la sauce barbecue. C'est ça, parfait. Voilà, donc, mis à part voir les serveurs qui font des allers-retours des étages en dessous jusqu'à au-dessus, qui prennent l'ascenseur et tout ça, rien de spécial. Donc, tant mieux. Pas de nouvelles. Ouais, Tom Stone, toi, tu vois que le maire est en train de discuter avec d'autres gars. Il parle de des élections à venir, parce qu'a priori, son mandat va bientôt se terminer. Mais il veut se renouveler, enfin il veut que le mandat soit renouvelé quoi. Il aimerait bien rester au milieu. Et tu comprends aussi que a priori il est en compétition directe avec Quincy Sharp qui est le directeur de l'asile d'Arkham. Ok. Qui est présent à cette fête aussi. A priori ils se parlent pas entre eux, c'est étrange. Ouais. Rien d'autre à ce niveau-là. Jess, toi qui suis toujours la patronne. La patronne, oui. Ouais, elle parle un peu à tout le monde, puis... Enfin, c'est des discussions lambda, et il n'y a rien de ouf dans ce que t'entends, hein. C'est juste... Et vous commencez à passer la soirée, ça avant. Ceux à l'étage en dessous commencent à avoir quelques visites de gens qui passent. Avec des jeunes riches tout fiers d'eux d'apporter cette jeune demoiselle dans sa chambre d'hôtel et ce genre de trucs. A priori, la soirée se passe bien, aucun problème. Vous restez quand même un peu sur vos gardes, on sait jamais. Ouais. L'air dans le milieu. Donc vous vous imaginez bien que la mafia classique elle va pas vraiment aimer le fait qu'elle soit revenue. Mais tout se passe bien. Il arrive un moment... Petite question. Oui. Est-ce que on a eu le droit d'emporter nos armes avec nous? Oui. D'accord. Mais on fait de la sécurité, donc forcément... Oui, non. Oui bon, quand même. Elle nous connaît pas tant que ça. Hein. Du coup, je profite... parce que forcément, personne fait attention à nous. T'imagines? Ouais. Non, vous êtes des fantômes. D'envoyer un texto à Patrick et lui dire, vu qu'on est quand même sur une fête un peu sensible, du coup, si jamais il a des échos sur un truc qui pourrait se passer ce soir, qui me tienne au courant ou qui nous avertisse avant, quoi. Au moins qu'on sache. D'accord. Bah, il te répond assez rapidement avec écrit en SMS « Ils sont en pleine panique ». Smiley de quelqu'un qui est en train de rigoler en pleurer. Mm-hmm. Et après il fait mettez KT, il se passera rien ce soir. Ok, bon, ça va. Je lui envoie merci. D'accord, très bien. Bah, il t'envoie un smiley bisou. Bah, je lui envoie un smiley bisou aussi. Très bien. Moi aussi j'envoie des SMS à Patrick. Tout le monde envoie des SMS à Patrick. Genre, je me fais chier, putain, viens. Tu me manques. Tabat, tu me manques. Oh là, il y a du double sens. Hein. En bref. Du coup, la soirée se passe. Pat surveille très bien le buffet, même si, a priori, beaucoup de petits plats du buffet semblent disparaître de manière très mystérieuse. Les arbres, putain. Faut enquêter, là, il y a quelque chose qui va pas. Faut enquêter. C'est les mecs, ils enquêtent parce qu'il y a des petits plats qui disparaissent. Des petits fours. Et là, t'as Pat qui fait « On comprend pas le four, on comprend pas le four !» Encore des miettes, c'est sur sa moustache. Donc oui, vraiment, la soirée se passe bien, il y a une bonne... Ah. Voilà, la bouffe est très bonne aussi, hein, aussi. Si, au buffet. Ah oui, elle est très bonne. C'est de la bonne qualité, quoi. Je veux dire, c'est pour la haute société, donc. Voilà. Mais tout se passe bien. Au bout d'un moment, il y a une petite... Tia et Bruce Wayne. Ou Bruce Wayne, tout simplement... En clair, dit tout simplement qu'il espère que ça se passera pas comme avec son son oncle, enfin avec l'oncle de Martia et tout ça. Et elle est là, elle, elle dit qu'elle est là pour ouvrir le blason de la famille, pour montrer que il y a pas que les Wayne qui sont qui pensent au bien de cette ville. Puis redorer le nom de la famille. Quoi. Oui, c'est ça, c'est ce qu'elle lui dit. Puis Bruce Wayne conclut tout simplement. Eh bien, c'est avec plaisir que j'accueillerai une nouvelle Samaritaine. Ouais, truc comme ça. Enfin, bon Samaritain, bon Samaritaine en ville. Mais si vous voulez un conseil aussi, faites attention avec qui vous... Enfin, de qui vous vous entourez, on sait jamais qui entraîne à Gotham. Ce serait dommage de se finir avec des criminels. Quand elle dit ça, tu sais, j'approuve avec ma tête. Oui. Discrètement, tu vois, mais... En mode, ouais, ça le signe de tête. Il faut faire attention avec qui on... Ouais, ouais, est un fléau pour cette nuit. C'est ça. Et puis, après, ils s'éloignent l'un de l'autre. Ils vont commencer à discuter ailleurs. Enfin, à discuter ailleurs avec d'autres personnes. Et pour ce qui est d'en bas, vous voyez plus. Vous avez vu le maire Arthur Reeves aussi qui est passé. Donc Thompson, tu as essayé de le suivre un peu, mais bon, il a essayé de s'enfermer. Il est allé s'enfermer dans une chambre avec une jeune demoiselle. mais je suis à côté. Je ne pense pas. Si vous avez besoin de choper des photos, il y aura moyen de carrément de faire pression sur les gens là. Non, mais bien sûr, je reste devant la porte en fait. Ah mais je suis en mode, voilà, j'occupe de sa sécurité personnelle. Au nom de madame, de mademoiselle Falconet. C'est ça. Et donc, au fur et à mesure, gens qui partent et d'autres personnes qui commencent à être beaucoup plus présentes à l'étage en dessous qu'à l'étage du bureau. Jusqu'au point où Martia semble aussi avoir un peu disparu de la soirée. Jess est un peu laissée en plan à un moment, a priori elle est quelque part à l'étage inférieur aussi, pourquoi pas. Ah ouais, elle est inférieure. Oui, oui, t'as compris qu'elle est partie avec quelqu'un. Oui, en gros, elle avait pas envie, elle se sentait pas spécialement en danger. Hein. Oui, oui, non, a priori, t'as même pas regardé. Ouais, ok, bon, très bien. Dans ce cas-là, je vais... Dans ce cas-là, tu sais quoi, je vais aller faire la causette avec certaines personnes, comme si, genre, je faisais partie des invités. tu vois, d'accord. Moi, quand t'es dans la conversation, quitte à rien à dire, ou juste rigoler aux blagues et puis essayer de choper 2-3 tuyaux. D'accord, très bien. Bah, tu vas discuter avec les gens, hein. De connaître 2-3 infos, ce genre de truc. Tu vois qu'a priori, mis à part le sujet du retour d'une Falcon en... les autres sujets semblent être surtout pour ce qui est des prochaines élections à la mairie. Ouais, ouais. Tu comprends plus ou moins que Arthur Reeves, donc le maire actuel, a l'air d'être du genre à vouloir garder le co actuel. Tandis que Monsieur Scharf, son candidat le plus... Enfin, le plus important, ouais. Semble être du genre à vouloir gérer la ville un peu plus strict. Mm. Voilà. Du genre à foutre des flics. Dans tous les coins de rue, ouais. Ouais, voilà, ce genre d'histoire. C'est un bon gars. Ça, moi, je l'ai toujours dit, monsieur. La sécurité. C'est ça, voilà. Donc vous essayez de... T'essayes de te fondre un peu dans la masse. C'est ça. Même si tu remarques quand même qu'il y en a certains qui captent bien que t'es pas ton milieu. Ouais, ouais. Après, tu te doutes bien que t'as pas toutes les manières de ce genre de milieu, donc ça peut être un peu trop obvious, mais... Bon, ils sont pas non plus à te foutre dehors, quoi. Plus d'intérêt. T'sais, ils te disent pas « retourne chez toi, sale terre » ou un truc comme ça. Paysanne, j'espère que vous avez bossé pour avoir votre. Ouais, ce genre de truc. Un léger accent français, ça passe très très bien sur ces deux. C'est ça, tout se passe bien. Et finalement, ceux qui sont à l'étage, enfin au bureau quoi, vous voyez de moins en moins. Vous voyez rapidement qu'il y a quasiment absolument plus personne. Vous vous faites chier. Genre il y en a, il y a quasiment tout le monde qui est soit parti, soit qui est parti, soit qui est dans le à l'étage inférieur. Ben, je bouge, mais s'il n'y a plus personne. Ok, très bien. J'embarque un plateau de petits fours avec moi, du coup. D'accord, très bien. Donc, toi, tu quittes l'endroit. Est-ce que, Jess, tu fais la même chose? Je pense que je vais aller... Bah, l'autre, elle est toujours en bas, du coup. Ouais, a priori. Ouais, bah, dans ce cas-là, je vais faire un dernier tour, ouais. Tu veux dire, tu vas à l'étage inférieur? Je continue de faire 2-3 tours en haut, histoire de... limite, je me fume une clope, et puis... En effet, s'il y a vraiment plus personne dans ce cas-là, bon bah je pense que... D'accord, donc tu restes encore un peu à l'étage, juste ouais, voilà. De vérifier... Enfin, pas de vérifier, mais juste d'attendre, quoi. C'est ça. Enfin, tu prends ton temps, tu prends ta cigarette au bal. Ouais, voilà, quoi. Ok, pas trop. Et pas tu descends à la... Oui. Donc du coup, nous, ceux qui sont en bas, on voit les uns et les autres arriver, que ce soit Pat... Tu vois quoi? T'as bugué. J'ai dit qu'au fur et à mesure, tous ceux qui sont en bas, donc je parle de notre groupe, hein, on les voit tous arriver, quoi, hein, les uns après les autres, et on sait qu'il n'y a que Jess qui est là-haut, quoi. C'est ça. Maintenant. Ouais. C'est ça. Donc, les invités. Vous êtes toujours à la... à surveiller. A priori, bon, il n'y a pas grand chose à surveiller, toutes les portes sont fermées, ça rigole et il y a des bruits et ce genre de trucs, quoi, mais bon. Et nous, en fait, visuellement, on est genre à se balader dans les couloirs. Vous avez. Avec des gens fermés. Avec des ouais, c'est fermés, ça. En fait. Donc, c'est lié. On pourra discuter entre nous et personne ne nous entendrait parce qu'ils sont derrière les portes, tous les gens. Ils sont tous enfermés dans des chambres. Ouais, enfin, il y a. C'est quand même une minorité des gens qui étaient dans la... Ils sont pas tous dit, venez, on fait une orgie. T'entends que t'écoutes les murs et gueuler, tape dans le fond, pas ta mère. Il y a quand même la grande majorité d'invités qui ont juste quitté la fête, quoi. Oui, voilà, mais je veux dire, de ceux qui sont encore là, déjà, ils sont tous en bas et ils sont en train de baiser, quoi. C'est l'idée. Mais il y a quand même deux ou trois serveurs de temps en temps qui passent et qui rentrent dans une salle. A priori, ils ont été appelés depuis l'intérieur d'une salle. Mais c'est. D'accord, c'est... mais je veux dire, nous, la plupart du temps, on est. On pourrait oui, vous êtes seul. Entre nous, ce serait quand même discret si on venait à parler. Ouais. D'accord, non, c'est tout, c'est je voulais savoir. Moi, je bouge pas, je suis là sans ça. Il va planifier un complot depuis le couloir. on ferme toutes les portes. D'accord. Pendant ce temps, toi, Jess, qui est encore au balcon. Ouais. Tu vas me faire un petit jet d'écoute, s'il te plaît. Ok. Oh, alors, mec tombé du balcon. J'ai en écouté. Tu vois une ombre noire planer dans le ciel. Non, mais c'est ça. Tu vas entendre des chauves-souris. 65. Et je fais. 74, putain, merde, dommage. Oh, dommage. Oui, il n'entendra pas les chauves-souris. Quelle tristesse. Il n'entendra pas, il n'entendra. Je suis la nuit. Ouais, Batman. D'accord, donc t'es en train de fumer tranquillement. Hein, t'as... Puis finalement, tu finis ta cigarette, ou en tout cas, tu t'en débarrasses. Mmh. Et tu ouais, pars dans l'idée... Sur le balcon. Oh, et tu pars dans l'idée de... Enfin, de redescendre, quoi. Et quand tu sors du balcon, dans le bureau, tu vois la porte qui se ferme juste devant toi. Enfin, la porte qui menait au bureau qui se ferme. D'accord. Oh. Enfin, tu sais, la porte qui séparait le bureau de l'ascenseur. Bah, dans ce cas, je vais m'approcher et l'ouvrir. Bah, tu l'ouvres et tout simplement... Enfin... Non, tu ne peux pas l'ouvrir parce que c'est un ascenseur. Si tu ouvres un ascenseur qui vient de partir... Ah, donc quelqu'un vient de... Attends. Ouais, quelqu'un vient de descendre. Alors qu'il y avait personne tout à l'heure? C'est ça. Ou c'est juste quelqu'un ou alors qui s'est relevé qui est... Oui, quelque chose comme ça. Mais il descend à l'étage inférieur ou il descend tout en bas? Non, il alors, descend c'est... à l'étage supérieur. Jess, en regardant les petits chiffres qu'il y a au-dessus, tu vois qu'il descend complètement. Alors, il s'arrête pas. D'accord. Et du coup, moi, je peux pas retourner aller en dessous, là. Ah, il faut t'attendre que le truc... D'accord, c'est bizarre que... Pourtant, j'étais bien seul en haut. Oui. Ah, t'as pas fait le travail. Ouais. J'envoie un petit texto du coup aux autres en attendant que l'ascenseur arrive en bas, juste notez la gueule de la prochaine personne qui sort de l'ascenseur ou une connerie comme ça, ou alors arrêtez-le, appuyez sur l'ascenseur, appelez-le. Okay. S'ils le reçoivent suffisamment rapidement, normalement du coup ça devrait, vu que l'ascenseur descend, il devrait s'arrêter chez eux. L'ascenseur a déjà dépassé. Oh merde. Oui, nous on est l'étage juste en dessous, lui il quitte le bâtiment complètement en fait. Ah ouais, là il est déjà passé, c'est fini. Bon bah dans ce cas là je vais attendre, hein. Je peux pas faire grand chose d'autre. Très bien, donc bah t'attends ton tour et finalement tu redescends à l'étage en dessous. Et tu retrouves tes amis qui sont bien seuls. Salut. Salut. Ça part. Alors quoi de neuf? Rien de spécial là-haut? Non, y'a plus personne. Et vous? En plus, bah, les seuls qui restent, tu les entends, hein, ils sont là. Ah ouais. Vous avez vu la patronne? Oui, dans une chambre. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, moi. Bon. Faut laisser les gens faire. Ouais, en haut, y'a plus rien à... Elle a dit à quelle heure on pouvait rentrer chez nous? Non, malheureusement. J'espère qu'il faut pas attendre quelques personnes. On fait chier. Putain, ouais. J'espère qu'on est payé pour ça, parce que j'en ai marre. T'inquiète pas, ça va. Sinon, vous avez rien vu de suspect ce soir? Non, rien. Rien? Enfin, non, franchement. Rien qui envahit le détour. Même en bas, il n'y a que dalle. Ah, pardon. Non, ça a l'air d'être plutôt bien passé. On va faire les bruits, je sais pas savoir. Sinon, si vous voulez, je vais acheter des bières, on joue au claps. Hein, c'est bien. Bah écoute, allez. Ouais, ça va nous occuper pendant ce temps. Pong là, dans le couloir. Sinon, on a qu'à. Bah non, mais sinon, on a qu'à remonter, on va à l'étage, on sera peinard. On aura l'étage pour nous. C'est vrai qu'en soi, est-ce qu'on a vraiment besoin de nous ici? Moi, je pense qu'il faut vérifier, y'a pas de problème, et au cas où, appeler le SAMU. Pardon? Ok, où appeler le SAMU? Non, et puis en vrai, non, enfin, genre, elle a dit qu'il faut surveiller la soirée, et du coup, faut qu'on reste là jusqu'à temps qu'il n'y ait plus personne. Mais on peut. C'est ça, mais je pense qu'ils vont passer la nuit, hein. Écoute, mais monsieur, on reste mettre les ordres. On peut continuer la soirée. Bon, moi, je dis, on fait une petite soirée poker, un truc du genre. Eh, au pire, vu qu'il n'y a plus personne, on invite les potes. Mais non, mais on va. Je pense qu'on sera mieux quand même au-dessus pour jouer. Mais là, dans les couloirs, c'est pas terrible. Ouais, non, s'il se passe un truc, faut qu'on soit. Ouais. Ah. Oh là là. Bah, s'il y a vraiment plus personne au-dessus, ça ne sert à rien d'y aller. Ouais, enfin, l'ascenseur. Il faut descendre l'ascenseur, tout ça. Ouais, enfin bon, pour surveiller des portes. Bon, quoi. Non mais on s'en fout, on prend un coin de table, on descend ça ici, on met ça devant le couloir et on joue. Ouais mais il doit bien rester des chambres de libre, non? On faisait souvent ça en comptant, hein. Tu prends une table, tu joues. Si il reste une chambre de libre, moi j'ai chopé une table qui est là-bas. Hein. Bah ouais. Je la traîne dans le couloir. On peut la couper à plusieurs sinon. D'accord, oui tu vas dans une des chambres pour trouver une table. Parce que toutes les chambres sont pas occupées, il y a aussi des gens qui ont terminé. Oui, oui. Mmh. Ouais, mais ce serait quand même ballot qu'elle se fasse cambrioler l'étage du dessus, quand même. D'accord, donc. Je vais te rappeler le sida. Tu prends la table et tu la ramènes sur place. Thompson, tu reçois la part de Patrick. C'est Chipolatas qui sourit. Mais parce que la photo est prise. Prise depuis le téléphone qui dépasse un peu de la table, un truc comme ça, tu vois. Mais je la montre aux autres. Oh putain, c'est vrai qu'il faut qu'on... Il sourit. Ça veut dire qu'il faut qu'on envoie une photo de nous, tu sais, avec les... dans le couloir, on joue au poker. Non, sur de la champagne. Mais putain, elle était plutôt bourrée ou pas la dernière fois? Tu parles de votre patronne? Ouais. Bah, elle avait l'air de s'être... oui, d'avoir pris... Ouais, mais on est quand même grillé, hein. Je préfère faire prendre une photo, hein. Je préfère faire une photo de nous qui joue au poker. Hein. Ouais, ouais. Bon, moi, je vais chercher les bières dans le van. Mais va à l'étage, il est juste à côté. Ouais, il reste des bières qui traînent. Il est on prend la fin du buffet. J'imagine moi le moyen des bouteilles de bière comme ça dans un truc un peu chic avec des petits fours et tout. Alors non, il y a pas de bière, mais il y a quand même d'autres. Ouais, ah oui, pardon, hein. C'est la haute, c'est des verres de champagne. C'est vrai qu'ils sont pas trop du genre à boire de la 8-6, ouais. Ah, il voit ce qu'on peut faire. Une coupe de champagne. Ouais, faut qu'on en profite. On prend les seaux de glaçons, on verse toutes les coupes de champagne dedans et on ne boit pas dessus. Oh là là, putain. Moi, elle est belle, la sécurité, les gars, il y a des gars qui arrivent. Ils vont se bourrer la gueule. on peut se même pas se défendre nous-mêmes. Tellement on est bourré. Non mais c'est bon, allez, en vrai on va pas rester debout à les entendre copuler toute la nuit donc... Ouais c'est ça, c'est lourd, non. C'est marrant au début mais... D'accord. Bon bah du coup vous faites quand même votre petite installation sympa, vous prenez vos... Et bon, on vous avait dit que la fête se terminerait quand tous les invités sont partis, sauf que... Bah on est dans un hôtel. Techniquement, il y a rien qui les empêche de passer la nuit. Bah oui c'est ça. C'est pas grave, c'est pas grave. On va faire des petits tours de garde. Oui, voilà. On est jeunes, hein. Une nuit blanche, ça tue pas. Hein. C'est ça, on ouais, était... ouais, Moi, je vais quand même aller faire un tour à l'étage, voir si tout va bien là-haut, si jamais personne n'avait envie de... Je croyais que t'allais ouvrir les portes. faire un tour oui, à l'étage. Oui, j'imagine bien. Type d'entre vous qui se lève de table pour aller faire un petit tour quand même pour vérifier. Oui, quoi, de temps en temps. Ouais, c'est ça. Donc je vais à l'étage du dessus. J'avoue surtout s'il y a l'ascenseur vu ce qui s'est passé il y a pas longtemps. Comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé il y a pas longtemps? Non, rien. Je pensais qu'il y avait personne, mais visiblement il restait quelqu'un. Mais... Bon, ça doit être rien d'important, vous inquiétez pas. Mais il sortait d'où? Tu l'as vu d'où cette personne? Non, mais c'est peut-être un serveur qui a fini son service. D'accord, très bien. Ok. Mais du coup, moi, je vais quand même à l'étage. Hein. Je vais vérifier les différentes pièces, même le bureau. Ouais, vous faites le tour. Aucun problème. Enfin, il se passe rien de la soirée. Enfin... Puis Batman, il vous remord derrière le canapé. Non. Il se passe rien de grand chose, puis tout dans la matinée, alors que le soleil que pas si longtemps que ça, c'est là où il y a à peu près tout le monde qui commence à partir, à quitter les chambres et tout ça. Puis nous, on a des cernes de fou. C'est ça, il y a tout le monde qui commence à. Au bout d'un moment, vous êtes quasiment plus personne, entre guillemets. T'as des mecs qui se lèvent, ils tombent sur une table où les mecs sont en train de jouer, tu sais, au poker, tout le monde fatigué. C'est ça, et y a Martia, tout simplement, qui passe devant vous en robe de chambre. Et tout simplement qui vous invite à la rejoindre. Ok. À la rejoindre où? On a photo. Ouais. Jamais elle a l'air un peu pourrie ou je sais pas quoi, je prends une photo. À la rejoindre où? Parce que j'ai pas eu de rejoindre... Dans son bureau. Ah oui, c'est super. Vous invite à la rejoindre. Pardon. C'est sérieux, lui. Le gros chien. Je vous dis, je suis trop fatigué pour faire quoi que ce soit. Ah. Oh, ouais. Ah, il est de retour. T'as bugué à quel moment? Il y a une minute. Faut pas qu'on rigolait. C'était quoi la dernière chose que t'as entendu? On devait rentrer quelque part. On devait reprendre un hôtel à un psy. Genre, ça a duré à peine moins d'une minute, 30 secondes à peine. D'accord. Ah, bon, donc t'as loupé le passage avec Batman où on s'est tapé avec lui. On a tué Batman. Donc, tous les invités sont partis et Martia est sortie de sa chambre en robe de chambre. Vous invite à rejoindre dans son bureau. Oui. c'est ça. Donc vous la rejoignez dans le bureau et elle commence à... Enfin, déjà, elle appelle sa secrétaire qu'on lui apporte le petit-déj. Pour commencer. La meuf, ça fait 2 jours qu'elle est dans le bâtiment, la secrétaire. Elle a pas... Oui. Non, mais elle prend ses aises. Oui. Et il y a donc les... Il y a... Enfin... a priori, elle vous parle pas directement, elle vous invite à vous servir un peu dans ce qui reste du buffet si vous souhaitez prendre quelque chose pour manger le matin. Bah, t'enfoiré. Il y a étrangement plus beaucoup de choix dans le buffet. J'adore le pâté et le petit déjeuner. Et ouais, on va tout simplement s'arrêter. Sur bah, tout simplement un des serveurs qui rentre dans la salle et qui apporte à Mademoiselle Marcia son déjeuner ainsi que le journal avec en première page un article à propos non pas de la disparition de Miss Gotham, ah dommage, mais de celle qui avait la seconde place de Miss Gotham, donc je vous rappelle son nom, Tatiana Mendikova. Et on se termine donc sur ce petit article qui devra apparaître sur vos écrans. Il n'y a pas grand chose à lire. C'est quoi ce truc? Pourquoi il y a une tête de chameau sur l'article? Alors j'invite les gens qui... Les gens qui... Ah par contre c'est pas un vrai article. À ceux qui savent traduire, je vous invite à traduire... Non, je ne traduis pas ça, c'est difficile. Et ils sont pas tous majeurs, tu sais, hein. Il y a un plan 3 avec un lama. Une super ouais, modèle mais... prise en flagrant délit. Attends, d'un plan à 3 avec son... Et lama. Voilà. Non, mais en vrai, je suis déçu, Sato, parce que j'ai zoomé et c'est pas un vrai texte, l'article. Bah, je sais que c'était pas un vrai texte. Mais ouais, mais moi, je crois qu'il y avait un truc à lire, tu vois, genre... Non, il y a le titre. Vous aurez sûrement des vrais articles en vrai. Je vous tease ça, mais vous aurez des vrais articles sur. Ah, ça c'est cool. Sachant qu'il reste 2 parties. Non, il en reste pas 2. Non, non. Il y a intérêt. Trop personnellement, on va montrer. Ouais, non, mais. Article sur la deuxième. Article sur la deuxième. Putain, mais attends, mais c'est un vrai lama ou c'est un nom de scène? C'est un nom de scène. C'est un vrai lama. C'est lama. Mais écoute, ton petit copain est un lama, chacun voit midi à sa porte. Qui es-tu pour eux? Quoi? Putain, c'est quoi ces expressions l'autre qui nous sort là? Non, avec la tête, enfin la bouche ouverte, elle a une tête ouais, de Sims. Par contre, je la voyais un peu plus humaine et un peu moins Sims. Ta gueule. C'est vrai que t'as chopé le Sims quoi. Enfin voilà, donc voilà, on se termine sur ça.